j'ai eu une expérience très 1990 aujourd'hui parce que j'étais dans un spot du building où le cellulaire marchait pas, puis le Wi-Fi rentrait pas, puis on voulait commander du Saint-Hubert, puis j'ai eu à appeler pour commander du Saint-Hubert. Quoi? Là, Alex me regarde, puis il comprend rien. Moi aussi, j'étais comme, mon Dieu, c'est quoi le numéro? Fait divers, le livreur, quand il est arrivé, il a fallu qu'on rappelle, je vais en revenir plus tard dans l'histoire, mais lui-même se rappelait pas du numéro de téléphone. Il a fallu qu'il check sur son char pour me dire, appelle là-bas. Y a-tu quelqu'un qui a capoté puis qui a couru dans un bureau chercher des pages blanches? Oh, moi, non, il y a quelqu'un à un moment donné. Non, mais regarde, écoute, c'était fou. Les chats étaient chiés, fourrés, il neigeait des criquets puis toute la quête. Non, mais en gros, j'ai appelé chez Saint-Hubert puis j'ai parlé, on va l'appeler Carole. Carole qui avait la même voix que le gobelin dans des annonces de Nicorette. Salut, c'est Carole. Carole homme ou Carole femme? Écoute, rendu là, your guess is good as mine. Fait que, comment ça va, Trésor, me prendre la commande? Fait que, en tout cas, elle a pris la commande. Elle s'est étouffée un moment donné avec un son où, honnêtement, il y avait à peu près 8 sortes de fluides différents dans sa gorge. Avec 2 mégots aussi. Sauf que, ben, c'est toute la sauce brune. Super charmante. Puis tu sais, en raccrochant, j'avais le sentiment de, je comprends pourquoi le monde n'appelle plus, mais en même temps, c'était tellement savoureux comme anecdote que j'ai le goût de rappeler la prochaine fois au lieu d'utiliser tu l'application. Tu sais que Musique Plus ont maintenant une émission pour tout le temps. Des lignes ouvertes avec des voyantes. Là, ça peut être quasiment une expérience similaire. Écoute, on va peut-être faire ça à ce moment-là. De bord, moi, je n'ouvre même pas la porte. Quand le livreur arrive, je slide un peu de cash. Moi, je pensais que tu lui donnais ta carte de crédit puis le gars, il se poussait. Ouais. Mais connaissant Alex, il a tellement acheté de gadgets qu'il a déjà loadé. Êtes-vous prêt à commencer le collectif, guys? Oui. À continuer, tu veux dire. Ben, à tomber dans le non-exclusif. On va tomber dans le non-exclusif. Alex, les gens sur le chat, l'audio est bon, tout va bien? On a-tu des réactions violentes ou savoureuses à ce qu'on vient de dire? J'ai faim, non, là, à cette heure, avec toute la parole. C'est beaucoup mieux. Ouais. Là, c'est que j'en mangerai de Saint-Hubert direct là. Hey, j'ai pris une poitrine avec un side des de frites ribs, transformées en poutine. Moi, c'est le combo fuck ribs, poitrine. Ou cuisse, ribs. Ah, c'est bon. Donc, sur ce, guys. Tu sais, Saint-Hubert pas loin de ça. Oui, Saint-Martin-de-Laurentide. Ah, peut-être. Je viens-tu te spoiler que je suis à Laval? Mais non, on le dit. Non, c'est le studio qui est à Laval. En direct de Laval, mardi, je sais pas trop quelle date, du mois d'octobre, on est à Laval, le Geek Collectif. T'es au courant que je te dis pas, hein? C'est... Bienvenue au Geek Collectif. Je m'appelle Petrushka et je joue au hockey. Donc, je joue avec les hommes et avec les femmes. C'est n'importe quoi. C'est la fois que j'ai perdu le contrôle du show, là, puis il n'a même pas commencé. Ça peut être une bonne idée de déguisement d'Halloween, par contre, Petrushka, tu sais. On va dire comme n'importe quel prof d'école, « Ah, oh, vous êtes tannant. » Autrement dit, je vais aller boire du fort dans la cachette pendant la pause. Donc, vous écoutez Geek Collectif, le podcast, une balado-diffusion de culture populaire, accompagné avec moi ce soir du collectif. Donc, j'ai nommé Alex Greco, Alex 2A. Comment ça va, Alex? What's happening? Ça va? C'est en français ici, de calice. En français, s'il vous plaît. What's happening? Oui. Accompagné également de le très barbu et velu Jonathan Milter. Oui. Celui qui est le pire ennemi des pop filters avec son menton? Oui, hey, c'est vrai. Tantôt, je me pognais dedans avec ma barbe. Là. Si vous entendez un genre de bruit absurde de gratte à fromage, puis vous avez soudainement c'est le goût de nachos, je vais en parler à ma femme, là, mais je vais essayer d'arranger de quoi avec. Puis genre, si on se rend un certain montant sur notre Patreon, on fera une vidéo de moi qui se rase. Non, en fait, pas une vidéo de toi qui se rase. Je veux que si on se rend un certain montant, puis je vais mettre des achievements, là, tu te déguises en Bam Bam Bigolo à l'Halloween. Ben, il n'y a pas de barbe, Bam Bam, tant que ça. Il y a la tête tatouée. Ben, il y avait une petite barbe. Ouais, mais toi, t'as plus de barbe que Bam Bam déjà là. Ouais, mais c'est parce que toi, tu peux déjà te raser. Moi, j'ai la tête. Ben, j'ai pas les tatous. C'est pas grave, on va te faire un saut en feu en spandex. Ce serait écœurant, par exemple. Ce serait mal. Fait que Milter se déguise en Maman Bigelow. Accompagné également de Guillaume Hamel, notre webmaster. Les Enfants Terribles. C'est un restaurant dans Hochelaga Maisonneuve, ça? Et c'est le groupe. C'est de... pas dans, non, c'est pas dans Hochelaga. Metal Gear Solid 5. C'est, je sais pas c'est où, mais c'est. C'est plein de choses. C'est ça. Pourquoi tu quotes Metal Gear comme ça? Parce que je trouvais qu'on était des enfants terribles. C'était juste faire un lien avec ta quote de professeur qui veut se saouler tantôt. Accompagné également d'Éric Hébert. Bonjour. Salut, Haute Calvaire. Ah non, c'est correct, c'est parfait. T'as bien du reverb, bonhomme. Éric, comment ça va? Ça va très bien, puis toi? Ça va très bien, merci. Good. Et accompagné par ben moi-même, André Paquette. Un fan des Jays. Salut, André. Fan des Jays, un fan des Expos, un fan des équipes canadiennes. Mais je suis content de voir la casquette des Blue Jays, puis le logo des Blue Jays. Je me sens, on dirait, dans les dernières 2-3 semaines, j'ai retourné un petit trip quand j'étais jeune. C'est pour ça que je viens de le remarquer. Fait d'hiver, quand j'ai fait mon road trip cet été, le douanier des États-Unis m'a demandé de retirer ma casquette, sinon il ne me laissait pas rentrer aux États-Unis. Très bon. Dit-il en riant. Non, en fait, c'est absolument ça, c'est le genre de choses que j'adore. Mais j'adore ça, moi aussi. Des rivalités de sport. Je sais que Milter, il est bien fort sur le hockey, là, il comprend de quoi je parle. Ouais. Je vais tout de suite briser le tabou pour faire un coming out. Tweetez-moi pas des affaires de baseball, j'ai aucune calisse d'idée de qui joue pour les Blue Jays. Là. La casquette est en spécial chez Leeds, puis j'aime encourager local. Fait que c'est, et voilà, ça, il y a un plus local à Laval qui est Toronto. On voit les allégeants. Non, mais ils viennent jouer des fois au stade. Ils viennent jouer des fois. Une casquette du Titan de Laval, c'est un peu moins. Ben, c'est parce que je voulais une casquette des Foreurs de Val d'Or, mais tu sais, d'un autre côté, on n'avait pas vraiment ça. Guys, qu'est-ce qui s'est passé de bon ces temps-ci avec vous? Parce qu'au collectif, on a une tradition, c'est de faire le tour de la table, puis de dire qu'est-ce qui s'est passé de bon avec nous dans les dernières semaines. Donc, qui veut briser la glace ce soir? Pas tout en même temps, s'il vous plaît. Non, c'est parce que je t'allais la dernière fois, moi, puis je voulais juste. Comme moi, je suis prêt à y aller, mais je voulais juste. Bon, mais Eric, je te regarde pas. Qui veut briser la glace, Guillaume, ce soir? Je vais y aller. Avec plaisir. En fait, j'y allais, mais Eric m'a volé le spotlight. Non, il y avait du dead air, là. C'était assez pour déterminer. En passant du spotlight, ouais, ce soir, il y en a pour tout le monde. On a perdu 17 auditeurs pendant ce dead air-là, là. C'est quoi, on est à moins 16 ou? Le rep de Pepsi m'a appelé, là. Il va retirer les pubs. Ah, t'as raison. Fait que Guillaume, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi? De mon côté, c'est passé pas grand-chose, honnêtement. J'ai eu une semaine très occupée au travail et dans la vie de tous les jours. J'ai une petite routine de consommation de produits, de geekitude générale. Mais ce qui m'a retenu mon attention, c'est ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures, plus précisément le dévoilement de Far Cry Primal, qu'on a vu plus de détails là, aujourd'hui. Pour un peu revenir en arrière, c'était une vidéo qui est sortie sur YouTube, sur le channel de Ubisoft, et c'était une espèce de close-up d'une espèce de fresque préhistorique, et il y avait un décompte, puis on savait pas trop ce qui allait se passer, outre quelques fuites venant des bureaux d'Ubisoft en Europe. Fait que t'avais 50% de chance d'un nouveau Assassin's Creed, puis 50% de chance d'un nouveau Far Cry. Mais il y a beaucoup de monde, honnêtement, sur Internet qui avait pas vu la fuite, qui pensait que c'était Forerunners. Watch Dogs, ça c'est sa glace pour l'instant. Wow. Mais ça aurait pu être aussi une nouvelle propriété intellectuelle, ça aurait pu être Forerunners, mais ça a finalement été ça, Far Cry Primal. J'ai porté attention énormément à ce qui est sorti au niveau des revues de presse, là, tant sur les sites américains que venant directement d'Ubisoft. Et aussi sur Facebook, étant donné qu'à Montréal, on a énormément de gens, le degré de séparation avec un employé d'Ubisoft est quand même assez léger et petit. Par exemple, la level designer, une des level designers du jeu, c'est Stephanie Harvey, qui est Miss Harvey, la compétitrice de eSport. Elle a annoncé justement sur Internet qu'elle avait travaillé sur le jeu. Donc maintenant que le jeu est sorti, ils peuvent justement dire qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est comme la même règle que tout le monde est à 6 degrés de connaître quelqu'un qui connaît Kevin Bacon sur Facebook. Ouais, mais à Montréal, t'as genre 2 degrés de connaître quelqu'un qui connaît chez Ubisoft. Et le 2 degrés d'Ubisoft, je l'ai fait plein de fois, je l'ai dit ça là à Montréal. Exact. C'est, non, c'est, ben, c'est le real deal. Sont-tu 3000, c'est que c'est normal. Là, puis on est dans j'irais même moins gros que ça. C'est sûr que tu connais quelqu'un qui connaît chez Ubisoft. Il y a quelqu'un qui t'a croisé à un party, c'est pas avoué. Tu le sais juste pas, mais il travaille là. Mais en gros, ce que c'est. Puis que vous écoutez l'épisode en direct maintenant ou en rediffusion, je veux dire, on a encore le temps. Le jeu va sortir aux consoles le 23 février 2016 et en mars pour le PC. Je sais pas, je vais avoir fini le master d'ici là. On s'entend 23 février, puis le mois de mars, c'est deux jours. Là, j'ai un jour. Le temps de finir Fallout. On s'entend, le PC, t'as le temps d'attendre avant, on s'entend. Là, PC, ça sort en mars, c'est qu'ils disent pas quand, c'est sûrement fin mars. En gros, c'est quoi? C'est ça, c'est que c'est l'histoire d'un personnage qui est dans l'âge de pierre, qui doit justement survivre à toutes ces aventures et ces bibittes-là. Il parle de gros mammouths, des saber-tooth tigers. Il y a aussi d'autres tribus de chasseurs qui veulent te faire la peau. Et, ok, ça se passe réellement dans l'âge de pierre. Oui, c'est vraiment l'âge de pierre. Tu as du crafting à faire. Tu vas faire genre des marteaux en silex. Tu vas faire des javelots en bois. Est-ce que tu me permets une intervention? Il parle dans une langue qui semble avoir été inventée parce que c'est une contrée imaginaire qui se nomme Horus. Ah, si moi je sens de l'attachement à Assassin's Creed. Est-ce que tu peux me permettre une intervention? Mais c'est pas les mêmes teams. C'est vraiment deux teams différentes pour les Assassin's Creed. Mais oui, je te le permets. Depuis la nuit des temps, il y a deux choses qui sont éternellement poches dans les jeux vidéo. Les tableaux aquatiques puis les tableaux hivernales. Puis eux autres se sont dit, en toute bonté dans leur tête, on va baser un jeu à 100% dans un tableau hivernal. J'ai pas dit Ice Age. Ah. J'ai dit Stone Age. Ok. Encore donc, pire. Fait que les tableaux préhistoriques. Il y a peut-être de la neige, mais la bande annonce qui est en ce moment, pas juste de la il y a plus de la forêt et des montagnes que de la neige. Fait qu'il faut un remake de Two Rock, c'est ce que tu viens de nous confirmer. Ah bon? Non, de Joe and Mac. Mais peu importe ce que c'est un in-between game. C'est que c'est un genre de Blood Dragon, mais en vraiment plus gros. Blood Dragon, c'était pas très très long. C'est un petit c'était une pub. Fan service. Une pub gratuite pour le nouveau palais. Ouais, et c'était en fait basé sur l'engin de Far Cry 3. Far Cry Primal, c'est tout simplement l'utilisation de l'engin de Far Cry 4 optimisé. On s'entend, des mammouths, c'est le même processus que l'éléphant, mais tu sais, grossi. Ben, Far Cry 3 et Far Cry 4, au niveau engin, il n'y a pas une grosse différence. Upgrade de l'engin de Far Cry 3. Oui, c'est un upgrade. Qui est mais là, upgrade fait... de l'engin de Far Cry 3. Exact, mais là, ils ont refait des textures, ils ont fait sûrement les modèles d'animation. Puis c'est dans le fond, en attendant que le prochain jeu sorte, le Far Cry 5. Mais c'est cool, ça a l'air cool. Moi, j'aime ça. Ouais, selon moi, ma prévision, c'est que Far Cry 5 va arriver avec un nouvel engin parce que justement, Far Cry 4 est basé sur un engin qui était utilisé dans les anciennes générations. Là, on va tomber dans du next-gen puis ils veulent sûrement préparer le futur. Donc, selon moi, il va y avoir un gros rehaul dans le Far Cry 5. Mais ça, c'est juste mon instinct. Honnêtement, j'ai aucune source. Base, ça va être, ça puis Guillaume, il est fiable là-dedans parce que la semaine passée, il m'a confirmé Half-Life 3. Exact. En fait, j'ai fini Half-Life 3 depuis que je te l'ai confirmé. Je le crois pas, c'est impossible, il est pas sorti encore. Fais confiance, il y avait un chapeau en papier d'aluminium. Exact. Puis vite, on va finir avec ça. Ça a été développé à Montréal avec des participations du studio de Toronto, Kiev et Shanghai, tous des studios de l'enfant de Ubisoft. Et il y a une chose, il y a beaucoup de gens que justement, moi je pense qu'il faut faire attention. Il y a plein de gens qui vont capoter et dire « Oh, c'est la même affaire que Far Cry 4, puis il y a encore des éléphants, mais ils sont juste plus gros. » Il faut juste se rappeler que c'est un in-between. T'sais. Le jeu est en développement, là, tout dépendant à qui tu parles, entre 6 mois et 1 an. C'est plus 1 an là, au niveau de la texture, le son, les graphiques. Mais quand tu penses que Far Cry 4, qui était un upgrade de Far Cry 3, était en développement 2 ans, puis Far Cry 3 était en développement 4 ans, tu peux pas t'attendre à avoir une richesse de jeu aussi profonde. Je sais même pas pourquoi tu sens, faut que tu te défends. Non, mais c'est juste qu'il y a plein de monde qui ont déjà commencé du monde sur Internet. Non, non, mais il va toujours en ce que je fais juste dire, c'est que s'il y en a qui ont le goût, tu sais, juste chill out, c'est un in-between. Ils sont même pas obligés. Ouais. C'est... Des éléphants et des mammouths, c'est totalement différent. Il y en a qui ont du poil. Exact. Mais c'est comme aussi Blood Dragon. Tu peux pas dire si c'était meilleur quasiment que le jeu original. En fait, oui, tu peux. Non, mais je veux dire, comme ta gueule, c'était meilleur. Fait que tu peux comparer ça à ça. Ouais, ça va être la même affaire que le 4, si t'as aimé le 4, mais mieux. Mais même à ça. Ça va être, honnêtement, je pense qu'ils vont plus pour cool un différent. Pour Primal Age. Si t'as aimé, justement, si t'aimes l'expérience Far Cry, puis que t'as dit, Blood Dragon, j'aurais envie d'en avoir plus, mais Primal, ils disent, c'est vraiment un standalone game. C'est beaucoup plus volumineux en termes de l'expérience de jeu que Blood Dragon. C'est sûr que c'est pas aussi gros que Far Cry 4, mais tu sais, c'est ça. C'est... Ah, mais ils vont pas le vendre avec un premium price, je suis ça, sûr. Ça, les prix ont pas. J'ai cherché, j'ai vu. Ça va être un full price game. Aucune information. Je pense que ça va être un 49,59. Juste avant de m'en venir ici, j'ai vu. 65$ en collector. Ouais, moi je pense que ça va être full price. Peut-être, mais juste avant de m'en venir, j'ai vu sur Twitter là, qu'il y avait des. Les pre-orders avaient commencé à apparaître sur Best Buy et autres, là. Mais. J'ai pas été voir, j'ai pas eu le temps d'aller voir. C'est que je sais pas si les prix ont été affichés ou c'est juste un pre-order temporaire. Mais je pense qu'il y a beaucoup de sites maintenant qui font du pre-order sans même savoir le prix. Tu sais, c'est juste, regarde, on te confirme le prix après. Puis la seule affaire qui a été officialisée par rapport au pre-order, c'est qu'il va y avoir un genre de mission pack qui va s'appeler genre le Mammoth Missions, quelque chose, là, un genre de 3 missions additionnelles si tu prends le pre-order. Du braconnage de mammouth. Dans le temps, c'était pas du braconnage, c'était de la chasse. C'est ça, il y en avait partout, fait que c'était carré. Mon nouveau BFF, Monsieur Wisty Poof, dit Blood Dragon était meilleur que Far Cry 3. Wisty Poof, je suis quasiment d'accord. Tu viens de te mériter le respect de moi. De tout le monde. Dans le fond, c'est que c'est un des meilleurs 15$ que tu vas dépenser tout de suite après la sortie de Far Cry. Ouais, ouais. C'était la meilleure annonce pour le nouveau palais que j'ai payé de toute ma vie. Dans le fond, s'il n'y avait pas eu Blood Dragon, il n'y aurait peut-être pas eu de Kung Fury. Peut-être. Ah, mais s'il n'y aurait pas eu les années 80, il n'y aurait pas eu ça non plus. Merci, Guillaume. Roasted. C'était super pertinent comme interaction. Fait que Far Cry Primal, tu disais 23 février à peu près? 23 février 2016 pour les consoles, s'il n'y a pas de retard. Merci beaucoup. Moi, y aller, moi, parce que je peux faire une continuation, parce qu'on parlait de Watch Dogs, comment est-ce que c'est on ice. Ouais. Mais en parlant de Watch Dogs on ice, j'ai essayé... Hey, attends un peu, excuse-moi, là, mais Mister, on se comprend. Là. Moi, je pense qu'on va envoyer un email à Yves Guillemot en France. Moi, je pense qu'on loue le Sandbell. Disney on ice style. Non, non, mais je veux juste faire une parenthèse avec ça. Les gens qui viennent d'entendre ça, Watch Dogs on ice, allez regarder The Old Murder House Theater sur YouTube. Ils ont fait plusieurs reproductions. Ils ont fait Back to the Future puis Robocop en pièce de théâtre. Ouais. Mais la raison où je m'en vais avec ça, c'est regarder Aliens on ice. Ils ont réussi à faire Aliens 2 dans une version Aliens. Ben oui, Aliens. En fait, pas le huitième passager. Là, mais Aliens. C'est ça, Aliens. On ice. Fait que dans le fond, c'est comme, mettons, Disney on ice, mais c'est Aliens. Fait que t'as un gars qui vomit de la soupe au poids parce qu'il s'est fait empaler par la Queen. Ça, c'est mais malade. Eric, vas-y donc, Watch Dogs. Mais pour revenir, Watch Dogs on ice. J'ai gossé un petit peu sur mon iPad, c'est ainsi, j'adore mon iPad en passant, je pourrais parler 10-15 minutes tout seul, même plus, avec sur mon amour iPad. Du iOS dernièrement. Avec ton iPad. Regarde-moi pas de même, Alex, mais c'est vrai, j'adore Android en et passant, tout. En passant, es-tu sur iOS 9? Ouais, j'ai iOS 9 là-dessus, moi. Non, ça dumb down tout ce qui est création à Apple, je sais que ça fait des années qu'ils le font, j'ai eu mon love-hate avec eux autres, mais ils sont vraiment bons pour ça. Là, il est dans le love. Mais, Watch Dogs on Ice. J'ai trouvé un jeu qui s'appelle Driver. Oh, nice. Attends, Driver. En fait, je tentais de me promener. Pas Driver, le jeu PS1. Non, ben, je tentais de me promener sur App Store. Puis je tripe sur les jeux de course. J'avais assez. Vin Diesel. T'aimes les jeux de course, puis Vin Diesel. Les Fast and Furious sont très bons. Mais j'ai joué, dernièrement, au nouveau Need for Speed No Limits qui est sorti, qui est sur iOS puis sur Android. Je le suggère à n'importe qui. Ça fait absolument tout qu'est-ce que tu haïs dans le microtransaction, mais tout en faisant un jeu vraiment le fun que tu peux faire en jouant 10-15 minutes par jour. Tu peux start, tu touches la screen pour que le jeu parte. Non, mais tu sais, comme tu joues, à chaque fois que tu veux jouer, mais ça te coûte du gaz. Mais au début, tu as beaucoup d'options à faire ça, mais éventuellement, tu fais sur un genre de paywall. Faut t'attendre si 24 heures mais pour moi, pouvoir jouer. Mais moi, je joue ces jeux-là là, quand je suis le métro, quand je suis le bol. Comme je veux dire, le montant de fois que je le joue... Le métro. C'est ça. Mais tout ça pour dire qu'en jouant à ce jeu-là, j'ai décidé de faire un petit trip de jeu de course. Puis là, j'ai checké un nouveau jeu qui avait sorti. Puis je vous niaise pas, là, tout ce que j'ai vu, c'est un logo d'un speedboat. Puis là, je vois speedboat, je suis comme... Ah! C'est un speedboat. J'aime les jeux de speedboat. Fait que je vais jouer ça. fait que je download le jeu de speedboat. Oui, j'imagine juste Eric réaliser le moment que hey, j'aime ça les speedboats. Je m'imagine juste Eric à Valleyfield checker Regatte puis faire comme ouh. Mais c'est sûr qu'il va avoir un convention quelque part, un speedboat convention. Ah, ben, aller au stade olympique là, oh, ouais, ouais, ouais, ouais. OK, je brasse le doigt de l'accusation, laissez-le terminer. Puis en tout cas, j'aime les speedboats. Qui en tout cas, tout le monde aime ça. Mais là, je commence à jouer. La première affaire qui se passe, d'un, j'ai un glitch weird, ça plante, puis faut que je recommence. Oui, c'est pas parfait, Apple. Des apps, ils crashent des fois. Non! Fait que là, je suis en train de jouer à ça, puis là, finalement, ça load. La première affaire que je vois, ben, je me reviens à mon Watch Dogs on ice, c'est fucking Driver. Avec un bateau. Le jeu que j'ai téléchargé, c'est un jeu de... Parce qu'en plus, ça load, c'est comme Ubisoft. J'ai pas remarqué c'était Reflections, mais je trouvais ça vraiment drôle si ça l'est. Mais là, je télécharge ça, puis là, je vois le logo de Driver, puis je réalise que mon esti de jeu de course de Speedboat, c'est Watch Dogs on Ice, c'est Driver. Parce qu'on n'a pas entendu parler de Driver fait longtemps, c'est le même qui ont décidé de ressortir fucking Driver dans un esti d'app de course à Speedboat. Je comprends rien. Fait que dans le fond, ils ont acheté les droits d'Hydro Thunder, puis... Je sais pas, mais sais-tu quoi? Je pense que c'est une des raisons pourquoi j'aime les jeux de Speedboat. Hydro Thunder! Hey, Hydro Thunder à 4 joueurs, là, sur Xbox, là, j'espère. Hey, ils ont dit que ça va être un qu'ils vont mettre au Xbox One, je suis sûr que ça. Mais de toute façon, c'était même pas ça que je voulais parler. Crème, on est chanceux. Bonne chance que je te prends dans mon temps aussi. C'est Horizon Chase. Parce que ça c'est un petit peu, mon point culminant de triper sur les jeux de course, tout ça. Donc, c'est un jeu de course. Horizon Chase, man, c'est un throwback pas mal à tout ce qui est écœurant de les vieux jeux de course des années 80. Genre les Outrun. Pense à Outrun. Radmobile. Ridge Racer. Top Gear. Non, mais Ridge Racer, oui et non. RC Pro. Mais les premiers Ridge Racer. RC Pro. Non, tu vois, là, sais-tu quoi? Non, mais tu sais quoi? Faut que je fasse un faire Vito. Des calls la soirée. Non, mais faut que je fasse le Vito. RC Pro Am, non. Ça n'a aucun rapport avec Horizon Chase. Okay. Rock'n'Roll Racing. Et Ridge Racer non plus. Mais je pourrais dire que la mécanique de drifting vient de ça aussi, mais c'est un jeu de drift. Attends, on pouvait drifter dans Ridge Racer? Fuck you, Milter. Je pense que Ridge Racer, sa boîte, c'était écrit « Contient 99.9% de drift. Okay. » Ça, j'étais pourri. Milter vient de réaliser pourquoi est-ce qu'il battait jamais les temps et il pognait jamais plus que bronze. Fait que Horizon Chase. Horizon Chase, c'est vraiment comme avec des beaux petits graphiques 3D. Ça s'en vient, je pense, au PS4 et Xbox One. J'ai découvert ça. C'est une belle petite surprise du studio Aquarius. Je sais pas comment plus ajouter. La musique est écœurante. C'est un gros throwback des jeux des années 80. Le contrôle, ça feel vraiment comme un jeu des années, un jeu de course de ce style-là que moi j'ai vraiment trippé dessus. Top Gear, c'est ma série préférée. Nigel Mansell, fucking Formula Racing au Super Nintendo. Ça a l'air de rien, mais tous les jeux de course de Super NES dans cette époque-là. On n'avait pas de Ridge Racer encore, on n'avait pas de Gran Turismo, on avait peut-être des test drives. C'est ça quoi tu comme me fais penser, mais... on devrait partir un site web, puis là je donne le brevet d'avance, mais fuck you, je l'ai dit avant, on enregistre, où nos critiques, on fait juste dropper des noms d'autres jeux à quoi ça ressemble. Mais c'est comme ça que c'est... La critique de Grand Theft Auto, Saints Row, Grand Theft Auto 2, Driver... Non, mais je pourrais aller Driver, mais tu pourrais pas dire Saints Row. Driver, c'était un clone de Grand Theft Auto. Non. En fait, je vais vous Driver School ici. De un, t'avais Driver qui est sorti. Parce que au tout début. Le monde l'a demandé. Ah ouais, Speedboat, let's go. OK. Qui est maintenant rendu un Speedboat, mais ça, c'est une autre histoire. C'était très triste pour une grande franchise des années 90. Check Bay GTA 6. Mais Driver 2, si vous pouvez essayer Driver 2. Driver 2, c'est le premier jeu où ce que tu as dans un monde 3D, que moi je me rappelle, en tout cas s'il y en a un autre coup, j'aimerais le voir, mais c'était au PS1, puis t'avais le 3D open world mécanique où ce que tu sortais de ton char, puis tu vas te promener puis tirer. Ça, c'est bien avant Gran Turismo, Grand Theft Auto 3 est sorti, mais c'était dans le même temps que les premiers Grand Theft Auto qui étaient top-down dans le temps. Mais Driver 2, c'était le premier événement de mettre dans le monde en 3D. Ça, c'est funny fact. C'est vraiment bon, Driver 2. Ils ont même fait un Easter egg dans Grand Theft Auto, joke de Driver, avec le personnage qui est un policier qui marche de la même façon comme le gars dans Driver. Oui, j'ai manqué ça, c'est dommage. Et puis, chaque fois qu'il conduit, il est comme, conduit pas bien. Puis, mais le premier Driver... Ils ont fait un joke parce que ils ont remarqué qu'il y avait des éléments qu'ils ont copiés de leur absolument IP. Ben oui, mais le premier Driver même, c'est Reflections qui avait sorti. Reflections dans le temps était très connu pour Destruction Derby, mais ils ont leur concept, c'était de faire un jeu qui resimulait les cours ou les chases de des Starsky and Hutch puis des films des années 70. Fait que le premier Driver, c'est un open world driving game où tu peux pas sortir de ton char par contre, mais après tes missions. Je suis sûr, j'ai déjà dit ça dessus le show. Je sais même plus. Je crois que ça fait 3 ans. Mais maintenant, Horizon Chase, là. Mais Horizon Chase, c'est vraiment bon. Carmageddon. Hein? Fuck Carmageddon. C'est-tu quoi, le nouveau Carmageddon, là? C'était de la merde. Je savais même pas qu'il y avait eu un nouveau. Non, mais ils ont re-releasé Carmageddon, là. Pas bon. J'ai vraiment pas aimé ça. Ça n'a pas le même trip, là. Je trippais pas autant sur le gars en bas qui était en train de capoter. C'était quoi le jeu que t'étais un taxi, pis c'était comme Carmageddon? Crazy Taxi. Non. Twisted Metal? Quarantine, ça se passe? Ah oui! Oui, c'était Quarantine. Quarantine, c'était un FPS où tu conduisais un taxi, tu pouvais l'upgrader, pis il y avait des Gatling Gun. Quarantine. Ah oui, je m'en rappelle. C'était fait par la gang L'Engin de Doom, pis tout ça. Hey, en parlant de Horizon Chase, il devait re-releaser Quarantine. Sur iOS. Fuck avec ou sans bug, avec speedboat. Le Project Morpheus. C'est un speedboat taxi à la place. Ou avec Xbox puis. Mais Horizon Chase, gros throwback de les vieux jeux de course modernisés, à vérifier, checkez-le. Puis en ce moment, si vous écoutez sur le stream, il est à 1,19$ sur iOS, fait que trop cher. C'est peut-être un des meilleurs 1,5$ que tu vas dépenser. Puis si tu nous écoutes dans le futur, ben j'espère que t'es spécial. Une pièce et demie, c'est combien de gaz dans Need for Speed sur iOS? Sais-tu quoi? Ben, c'est, tu veux vraiment me partir là-dessus? Parce que, bon, ben, pourquoi c'est, tu fais c'est ça? C'est genre 90. Alex, qu'est-ce qui s'est passé de bon avec toi ces temps-ci, Alex? J'ai écouté un documentary des speedboats. Where Driver Goes to Die. Speedboat Channel. Speedboat Channel, c'est Speedboat 24/7. All day, all night, speedboat. Hey, je veux demander juste la collaboration des auditeurs. Spammer Facebook, Instagram puis Twitter d'Eric avec des photos de speedboat. Speedboat. Des régates, peu importe, tout ce qui est un bateau puis qui va vite, vite. J'ai comme plein de Photoshop dans ma tête déjà. Oh, c'est comme Thomas the Train, là, ça va être genre Eric the Speedboat. Ah, oh, c'est une bonne idée. Fait que Alex, Driver, par contre, faut que Driver soit là-dedans, c'est ça le but, mais des speedboats c'est hot. Partage-nous ta semaine, Alex. Ma semaine, mes deux dernières semaines, j'ai car c'est octobre, car c'est l'automne. J'ai commencé mon binge de films d'horreur. Mais c'est pas ça que je voulais parler. C'est moi, je fais ça souvent, des binges de quelque chose, pas d'alcool de ou drogue, cocaïne, mais... un binge de cocaïne là, c'est oui ça c'est le seul des je fois pense qu'il... du flaca j'ai découvert avec ma famille en Floride, mais binge de flaca, ouais, un tu binge peux pas de... nous teaser avec ce mot là puis penser qu'on va pas te demander c'est quoi, Alex. C'est flaca, c'est le nouveau rapper. Non, c'est pas rappelle-toi de ton sujet, c'est que ça vient, mais c'est toi qui as dit flaca. C'est le nouveau Bad Salts Panic. Attends, t'as ah c'est le zombie face, t'as découvert les nouveaux sels de bain avec ta famille en Floride. C'est quoi, t'as regardé la télé avec les autres? Moi, je juge pas les choses que vous faites avec votre famille. Moi, je fais de la tarte aux pommes avec ma mère. C'est comme, ah, oh, faites des salles de bain. D'accord. Tarte aux pommes avec du bad sauce. C'était ça la photo que j'ai vue que tu mangeais la face de ta mère sur Facebook, là. Ouais, là, t'as Florida. Fait que, je pensais que c'était une tête. Je reshake le doigt de l'accusation. Alex? Oui, je parlais de binge. Ouais. C'est le mot en français aussi, binge. Oh, ouais, gourmand. Mais ouais, je fais souvent, ça arrive, ça m'arrive souvent que je fais des binges de concepts de, je vais donner un exemple. Maintenant, je suis dans un mode vampire. Fait que tous les films c'est que je veux rouge. Écouter, tous les jeux que je veux jouer, tous les livres que je veux lire, même les bandes dessinées, je sais que ça m'arrive comme deux fois par année. Fait que là, ça a recommencé mon binge de vampire. Puis je sais pas si t'as jamais vu le meme de Vampire the Masquerade Bloodlines. C'est marqué, ah ça me dit quoi ça, dès que tu vois cette photo quelqu'un va réinstaller le jeu. En passant Half-Life 2 Engine, j'ai réinstallé le jeu. T'as-tu installé les unofficial patch puis les... J'ai installé ça s'appelle Companion Quest Mod, Comp Quest Mod. Je sais même pas pourquoi j'ai demandé, en fait. C'est pas une modification qui change le jeu avec comme genre Macho Man Randy Savage. C'est quel qu'on parle de le premier, comme je sais qu'il y a le board game, mais on parle du premier le jeu. Le premier jeu sur PC qui buguait là. C'était mais c'est parce qu'il y en a deux là. C'était Redemption. Mais il y en avait deux qui ont sorti au PC. The Masquerade. Redemption? Ouais, Masquerade c'est le deuxième. T'as-tu le Twilight Patch? Ok, ça? J'explique ça. Ouais, c'est ça. Merci, excuse-moi. Le premier Vampire the Masquerade Redemption, puis le deuxième Vampire the Masquerade Bloodlines. Ah, c'est ça. Okay, puis Bloodlines. Le premier, c'était un genre un point and click. C'est ça, je disais. C'est ouais. Le gars qui. C'est un RPG dans le fond. Là, c'est comme Old Days, New Days. Ouais. Fait que c'est moderne puis ancien en même temps. Donc c'est un jeu médiéval, vampire. Puis après ça, ça y a-tu des Camaro? J'ai jamais fini le jeu. J'ai jamais allé à. Fait qu'il n'y a pas de Camaro là. Non, malheureusement, j'ai I don't think. Je pense qu'il y a pas de, même pas des speedboats. T'as-tu des cajuns dedans? C'est plate. Côte de cuir. Tu cul? I'm just. Le dans fond, l'accusation vient de moi là. Non, ça. Dans le fond, t'écoutais True Blood. Ouais, c'est ça. J'ai, okay. I was getting. Non, pas de Camaro, pas de Sparkles, pas de. Pas d'Indien en chest. Pas d'HBO. Ah, c'est que ça dérape à soi, c'est bon. Fait qu'Alex, Vampire the Masquerade, ouais, Bloodlines. J'ai installé Bloodlines, c'est un excellent jeu, c'est un des meilleurs jeux vampires au monde. Comme, t'es vraiment, tu sens vraiment comme un vampire, style un peu Anne Rice, Queen of the Damned, Vampire Chronicles, vampire. Tu peux choisir ton puis c'est aussi un peu roleplay. J'ai jamais fait le roleplay. J'ai le goût de faire. On peut faire ça live, peut-être. Quoi? Maybe. Faire du roleplay de vampire? Ouais, le tabletop. Parce que, ouais, c'est White Wolf, hey, quoi. Tu viens de me donner une idée. Ouais, c'était White Wolf. On va vraiment faire. On ferait une game de tabletop Dungeon and Dragon. De quoi? Je dis qu'on fait un Donjon et Dragon, puis on essaie de réciter. Éric Lafontaine. Ouais, on ramène la gang des Ducœurs. Je pensais que t'allais dire on joue à Vampire, là, où que le monde se prenne à Saint-François le vendredi soir, habillé avec des coachs, puis sur le moche, puis qu'ils se regardent louche, puis que t'es non. Supposé de comprendre de quoi mais dans le jeu. Ça, ils appellent pas ça Vampire, ils appellent ça Friday. J'amène mon flaca, puis on mélange les deux ça. Parce que le compagnie World of the White Wolf font plusieurs, ils font loup-garou, ils font vampire, ils font mages, d'autres choses, plein d'autres choses, n'importe quel midget supernatural, ouais, leprechauns, ouais, okay. Ils font tout. Mais le chose que j'aime, c'est un peu, il y a un gros élément de roleplay dans le jeu. C'est pas juste point and shoot. Tu peux parler, tu peux utiliser ton charisma. Il y a des checks contre vos stats. Puis, c'est tellement comme musique de Blade dans le jeu. C'est Goth Vamp Clubs. Puis, j'ai rien installé avec un mod. Le mod... C'est le mod où t'as l'air de Stephen Dorff qui sait pas jouer dans un film? Oh, wow, Blade 1, c'était bon. C'est un des rares films que Stephen Dorff fait une bonne job. Pourquoi le pointer du doigt? Non, The Gate était bon. The Gate, ouais, The Gate aussi, c'était pas pire. The Gate, c'est excellent. Oui, ben, j'ai vu ça quand j'étais fait jeune. Fait que dans le fond, la musique, tu parlais de la musique de Vampire non, de Masquerade. Non, c'est pas ça. Le mode que j'ai installé, ça, c'est un difficulty mode. Ça fait un peu plus difficile. Ton pool de sang, ça descend tout le temps. En tout cas, j'ai réinstallé le jeu. J'ai recommencé le jeu. J'adore le jeu. Je vous suggère tout le monde, si vous avez jamais joué le jeu, c'est comme peut-être 15$, 20$ sur Steam, essayez-le. C'est si vous aimez ça, vu que c'est Halloween, vu que c'est un excellent jeu, avec les unofficial patches, c'est sûr et certain, il faut installer ça. Ça, c'est mon genre. Puis de mode. Une des classes s'appelle Malkavian, je joue ça tout le temps. Une des choses, c'est... Non, moi, j'étais juste surpris que tu continues à parler puis t'étais même pas... Leur vampirisme, les Malkavians, c'est un genre de classe, il devient tout fou. Comme John Malkovich. Exactement. Dans Shadow of the Vampire, sauf qu'il était pas là. Willem Dafoe. Ça, c'est une autre classe, Nosferatu. En tout cas, puis... Vu qu'ils sont fous, tous les dialogue options sont toutes comme malades. Ils disent n'importe quoi, ils parlent à les murs, ils parlent à leur télévision. Fait que ça change tellement le jeu. Si tu veux essayer le jeu, joue normal, n'importe what other class. Puis essaye aussi Malkavian, c'est super drôle. Moi, j'ai pour ton jeu, je me rappelle juste du drame à l'entour de la sortie de ce jeu-là. Ouais. Parce que c'était dans le temps de Half-Life 2 où ce que il y a pas longtemps, on disait quand Half-Life 2 confirm quasiment, là, il était confirm mais il sortait pas puis il arrêtait pas de se faire pousser. Puis le studio qui faisait ça, c'était Troika Games. J'ai oublié, mais je dois juste vérifier leur nom. Mais eux autres, qu'est-ce qu'ils avaient fait, c'est que leur jeu était prêt avec l'engin Half-Life 2, mais tout le monde qui avait des jeux qui utilisaient Half-Life 2 pouvait pas sortir leur jeu avant que Half-Life 2 sort. Puis ce jeu-là, il était retardé. Le studio, il avait vraiment été mis à pied. Puis après ce jeu-là, c'est une triste histoire, mais Bloodlines, c'était leur dernier jeu. Je pense qu'ils ont essayé de faire un jeu post-apocalyptique après, ou ce qu'ils essaient de pogner un petit peu de hype. Malheureusement, il n'y a pas de Kickstarter dans les années 2004-2005. Ouais. Mais je vais toujours me rappeler que Vampire Masquerade, c'est un des premiers jeux avec le Half-Life 2 engine, puis c'était beau. Puis c'est plate parce que ça n'existe pas beaucoup un jeu role-playing que tu peux jouer vraiment un vampire. Il était fait là, hey, ça a 10 ans là, ce jeu là 11 ans. Alex, si tu me permets, je sais pas si t'avais terminé ton actualité avec ça ou... Non. Ben en fait tu dis, il n'y a pas de jeu vraiment que tu peux jouer un vampire de role-playing moderne. Oh. I know where we're going. Je trouve ça un petit peu étrange parce que moi, j'ai un excellent jeu que le monde m'a suggéré d'acheter il y a quelques mois qui s'appelle Elder Scrolls Online. Mais c'est moi qui ai commencé à suggérer des gens de payer sur console. Puis tu sais, je l'ai acheté au PS4 dans le but de jouer avec mes amis proches, puis tu sais, de monter une guild, puis d'avoir du fun, puis... Tu sais, tu peux être un vampire vraiment pis faire du roleplay dans Elder Scrolls Online avec. Mais tu sais, tu pourrais pas le savoir parce que tu joues plus. C'est pour vous. C'est pour vous parce que quand je joue un vampire dans les jeux, je fais souvent je fais des bruits comme bizarres. Quand tu joues un Khajiit aussi. T'as-tu déjà entendu sa voix de Khajiit, Eric? Non. Alex parle comme un Khajiit, c'est quand même intéressant. Un quoi? Khajiit? What? Les chats dans Skyrim et Elder Scrolls. Ouais, j'ai dit ça la prochaine fois, je vais jouer un Khajiit. This one likes archery. that's pretty good. Mais moi, anyway, si tu voudrais pas jouer avec moi, parce que je suis rendu un loup-garou dans Elder Scrolls Online, Alex. Mais c'est pour un buff. Ouais, mais comme le film avec Kate Beckinsale, les vampires, les loups-garous, ça marche pas. Fait que nos personnages pourront jamais copuler. C'est quoi ça, Underworld? Underworld, ouais. Underworld. Underworld, c'est une place où tu demandais des planches de skate, et tu vas aller dans une chambre qui sentait à pisse, au coin en Ribourassa, puis... telle place pour écouter des shows de punk crasseux. Ouais, dans bon. Les années 90, c'était génial. T'avais un gars qui vendait certainement pas du weed qui se tenait là. Mais Elder Scrolls Online, pour arrêter de parler du Underworld sur Henri Bourassa. Le gars qui vendait le weed, c'était le proprio. C'était pas juste un gars qui se tenait là. J'ai dit ça demain. Fait qu'Elder Scrolls Online, Milton, je continue puis je joue encore. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils ont sorti des updates, des extensions du DLC. Mais que quand tu t'abonnes par mois, parce que c'est un free-to-play, mais tu peux avoir un aspect où tu payes par mois. Tu as des buffs, donc plus d'expérience, plus de choses. Puis le DLC est inclus gratuit. Puis j'ai vraiment... Ça faisait longtemps que je n'étais pas embarqué dans un jeu comme ça. Puis ces temps-ci, soit je joue à Destiny, le Taken King, pour aller tirer puis faire piou-piou-piou, puis tirer du monde. Ou je joue à Elder Scrolls. Puis on a eu la chance d'essayer le PVP, une petite gang ensemble. C'est une Christie de belle expérience où il y a les comme trois factions du jeu qui se battent sur une genre de grosse carte vraiment abusive pour j'en prendre le parlé contrôle quand on avait de parlé démission. Du jeu au ouais, début ouais, ouais. Quand, ben tu penses le dernier c'est combien de c'était fou c'était juste c'est fou épique. On a eu du fun. Je suis rendu à la fin du jeu après un mois et demi que je joue là. À peu près ouais. À peu près un mois et demi là je viens de finir le storyline par défaut de mon personnage. Maintenant, je peux continuer les autres histoires. Fait que la rejouabilité de ce jeu-là est débile. Puis, c'est mon actualité ces temps-ci parce que, ben, je fais pas grand-chose d'intéressant, mis à part ça. J'étais allé faire du hiking, puis je me suis décrissé le dos avec des cités. T'as hiké où? J'ai fait le calvaire d'Oka. Ah, j'ai fait le calvaire, walking, il est nice. J'ai. Y a-tu des bébites au calvaire ou? Ben, pas ce temps-ci de l'année. Les seules bébites. C'est le temps là, que j'aurais allé, là, ouais. Il mangeait un sandwich en haut, puis. Ouais. Il y a pas beaucoup de place en haut du calvaire, malheureusement, puis ça fait des moments awkward. Ben, écoute, tu parles de moments awkward, je suis assis là, je regarde la vue. Seulement, je devrais prier. J'essaye de prendre des photos avec mon appareil photo, puis j'ai un couple. Ben, pas un couple. C'est pas un couple pantoute. J'ai une femme de début trentaine, puis son ami, que, ben, il explique pourquoi elle a bien fait de le crisser là, puis de le laver, suite à un divorce qui a été clairement rocambolesque. Fait que, tu sais, t'es là, puis tu manges ton sac de trail mix, puis t'essaies de déclencher, puis de prendre des belles photos en disant c'est paisible, puis là, tu mets, tu sais, hashtag zen sur Instagram, puis etc. Puis à côté, c'est comme, t'as bien fait de le laver, c'était un asti, lui. Ouais, lui, c'était un crisse de tout croche. Puis ce jeune tabarnak, là, puis... Elle libère toute sa rage puis, d'avoir monté le calvaire. C'est ça, tu sais, là. C'est comme, d'autres, t'aurais pas pu parler de ça en faisant l'hiking. J'aurais pas aimé ça, l'avoir monté le Mont-Tremblant, rendu en haut. Le Mont-Tremblant, rendu en haut, Super Saiyan, over 9000, à les cheveux blonds, pétants, à crache du feu. Puis, elle appelle son avocat. Mais somme toute, non, c'est ça. Regarde, écoute, je suis allé cueillir des citrouilles, puis il n'y a pas de Wi-Fi. Puis la citrouille a gagné. Ouais, la citrouille a gagné pas à peu près. Écoute, mon dos versus la citrouille. T'es trop ambitieux avec ta citrouille? Non, mais écoute, j'ai appris une règle de la vie. C'est que achète une citrouille chez Maxi. De un, faut que tu prennes une hypothèque, puis de deux, elle va peser peut-être une livre. Ça sent cher que ça. Le racket de la citrouille. Oh, mais le truc, c'est que tu les achètes le jour après, l'Halloween, comme les bonbons, hein, André. Ben oui. Écoute, c'est important, tu sais, parce que Dieu sait que. Tu fais quoi avec une citrouille après l'Halloween? De la soupe, Alex. De la griller la tarte. Ou de la citrouille tempura que j'ai mangé. Non, mais. T'as mis au micro-ondes, tu sais. Somme toute, le racket de la citrouille est assez important maintenant. Je suis allé les cueillir. Ça a coûté 3 piastres la citrouille, mais c'était des citrouilles, clairement pas des t'as AGM. Choisi, là. Ah oui, t'as choisi, là. Tu prends celle que quand tu kicks dessus, c'est comme si t'avais donné un coup de pied à un bloc de béton. Puis quand t'as lèves, c'est comme si t'avais levé à peu près 40 livres. Ouais. Puis après ça, ben, t'essaies de découper de quoi dedans, ça casse la lame, puis tu broyes, puis finalement, tu finis par la coller au bout de tes mains. Mais t'avais pas de l'air à faire tes citrouilles en public aussi? Non. Il y a plusieurs personnes? Non. Effectivement, c'était bien tranquille, mais... Ok, mais je me sens que t'avais vu une photo, c'est qu'il y a plein de gens, puis... Ouais, écoute, non, ça, c'était... C'est un Photoshop. C'était un Photoshop, effectivement. Mais somme toute, je me suis décollé sur le dos, j'ai fait du hiking, puis j'ai joué à Elder Scrolls, c'est pas mal mes dernières semaines, c'est fade comme activité. Mais c'est pas grave, parce que mon actualité était fade, mais... C'est comme la citrouille, c'est fade. Milter? Oui. Qu'est-ce que t'as fait? Moi, j'ai... Non, mais regardez la barre pour le dernier. J'ai pris du citrouille, j'ai fait un trou dedans, j'ai mis mon micro-ondes 5 minutes. Après ça, qu'est-ce que t'as fait? Une bain de fun. Léolo that shit. Léolo that pumpkin. C'est mais... ça que t'appelles un flashlight? Let's get it on! C'est une homemade flashlight thématique d'Halloween. Mais non, mais c'est un peu sujet relié à ça. Moi, j'ai comme deux... Un flashlight? Non, mais Léolo. Tu vas catcher à la citrouille. Mais pas, non, pas en tout, mais tu vas catcher. Dans le fond, j'ai deux petits genres de questions à vous poser. Puis il y en a j'aime ça, lance c'est pas ça, mais... par rapport à une mise en situation. Ben, c'est pas une mise en situation, c'est quelque chose qui m'est arrivé cette semaine. J'ai un ami, Charlotte Simon. Excuse, toutes les histoires qui commencent par « j'ai un ami », on s'entend ça, c'est de la merde, ça y est arrivé. Non, c'est vraiment mon ami, mais moi, j'ai un ami qui s'est fait chier le pipi, puis est apparu. Moi, j'aime que les nouvelles à Mirto, c'est des questions. Non, mais je veux savoir, vous autres, comment vous auriez réagi face à ça. Ok, Mirto, on t'écoute. Mon ami, shout-out à Simon. Shout-out, Simon. Salut, Simon. OK. J'aime mieux Motorboat. Mais en tout cas, je m'ai fait écrire dans mon inbox Facebook, puis le gars il m'a juste écrit, il dit « Milter, j'ai besoin de ton aide, je m'ai fait hacker mon YouTube, il y a du porn dessus. » Là, je suis comme bien. Ok, quel attends. Genre de porn? Tu vas comprendre. Eh hey boy. Là, j'ai fait comme « Pourquoi que tu t'es fait hacker ton compte YouTube et que quelqu'un mettrait du porn dessus? » C'est quoi le but de faire ça de cette personne? Il n'y en a aucun. Fait que j'ai demandé à mon ami de mieux éclaircir la situation. Et finalement, son YouTube ne s'est pas fait hacker. Il n'y a pas de porn sur son YouTube. Son compte à lui est intact. Il a encore le contrôle. Il s'est comme très mal exprimé. Qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est qu'il y a un compte YouTube qui est apparu, puis qu'il y a du porn de lui, qui est mis sur le compte YouTube, et quand je dis de lui, c'est de lui dans la vidéo. Ok, mais admettons qu'on parlerait hypothétiquement, puis ça serait youtube.com/quoi? Je le sais même pas, parce que j'ai pas voulu demander. Ah, c'est ça triste, le pays, j'ai juste laisse-moi dit deviner, un peu quoi c'était faire. Lui devant une webcam. J'imagine que c'était ça, parce que... Il m'a dit la situation carrément de quelqu'un qui a écrit tout de suite de même, une jeune femme qui avait de l'air dans la vingtaine, genre. Qui voulait skyper avec toi. Skyper avec toi. Puis, tu sais, genre, dans les deux premières lignes, comme, allô, t'es ben cute. Yo, ça fucking marche. Non, mais à ta peur, là. J'en revenais juste pas en partant que je connaissais quelqu'un qu'en 2015... Il a cliqué là. Il a pas cliqué. C'est tellement mais maintenant avec toi, j'ai déjà cliqué parce que je savais c'était ça. Fait que je trollais la personne. Tu gosses, t'ouvres ta vidéo, ton Skype, puis tu niaises, tu fais n'importe quoi, sauf toi en train de te crosser. Tu fais juste continuer d'écrire des bullshit, puis tu niaises, tu sais. Lui, il est allé cliquer. Il est allé faire je sais pas quoi qu'il a fait devant la webcam parce que j'ai pas voulu voir, mais il s'est sûrement montré à graine puis il s'est branlé devant la caméra ou de quoi. Oh. Puis on sait tous que c'est un jeune hindou, un africain quelconque en quelque part qui contrôle ça puis qui demande après un genre de dépôt. Fait que depuis ce temps-là, il sponsor quelqu'un sur Vision Mondiale. Fait que, ben... Nous lui, autres, ça a l'air. Moi, j'ai dit... C'est ça l'affaire. Genre, ça vous est-tu déjà arrivé? Moi, quand j'ai dit à mon ami, j'ai dit, gars... Premièrement, il dit j'ai toute ma liste, il a tout pris ma liste de contacts sur Facebook ou quelque chose de même. J'ai dit premièrement ferme ton compte au complet, il y a plus personne qui va avoir accès à rien. Ferme ton compte, ferme tes affaires, attends au moins 2-3 semaines. Ça va les bloquer là-dessus. bien comme faut. Damage control avec Melter. Ouais, dans un sens. Tu sais, c'est comme POP, si je reçois un lien nowhere, ça va aller dans mes messages autres. Il y a probablement quelqu'un qui, yeah. qui le verra pas ou de quoi, puis ou cliquera probablement pas que c'est toi, espère for the best. Mais j'ai dit surtout, ne paye pas à rien, là, donne pas 1000, 2, 3000 piastres à un affaire de même. Milter, vas-y avec ta question parce que. Ben, c'est ça ma question. Je vais te mind blow, là. C'est ça ma question. Comment. Est-ce que, premièrement, vous connaissez quelqu'un qui est déjà. Oui! Assez calme pour avoir cliqué, excusez. Puis, comment avez-vous réagi quand il vous l'a carrément dit parce que vous étiez sa référence en matière web comme le gars qui peut l'aider? Hey, j'ai 50% de ta question, puis je m'excuse à la personne. Si t'écoutes le podcast à soir, je vais raconter l'histoire, je nommerai pas de nom. C'est pas grave, moi j'ai dit Simon, mais c'est Luc son vrai nom, c'est pas grave. Ben c'est correct, moi je vais pas dire, en tout cas, c'est ça. Fait que, quelqu'un que je connais, un petit cousin, qui a semblement cliqué sur le même lien que Simon, Luc, et ça a montré à la graine toute la kit. Par contre, la personne qui a pris le contrôle de sa mailing list Facebook a envoyé un message à toutes ses amis Facebook en disant « Clique ici pour voir nananana. » Puis là, le monde, quand il cliquait dessus, ben c'était lui en train de se crosser devant sa webcam. S'ensuit d'un souper de famille. Où, est-ce que tu étais présent? Non, non, j'étais pas présent là, mais je me l'ai fait compter, puis c'est de souper source... de famille, c'est genre de source proche très sûr. Non, pas oncle, ben, ma tante, grand-parent. Il parle non, de son contact et du petit cousin. C'est ça, du contact, le petit cousin de mon contact, que je nommerai pas. Non, mais je voulais que... savoir le style de souper de famille. Val, j'ai dit que je te nommerais pas, fait Val, son petit cousin, mais il a cliqué sur le lien. Puis Chris, en plein souper de famille, tout le monde avait reçu le lien, tout le monde a cliqué dessus, puis ils sont partis, eux autres, un chat privé de genre... Comment qu'on va pouvoir y en parler? Parce que on l'a vu s'astiquer le moineau devant tout le monde. Puis lui, il sait que ça, c'est parti, puis il se sent déjà mal. Puis comment qu'on peut faire pour qu'il se sente à l'aise? Et Dieu sait qu'il y a un mononcle dans cette famille-là qui est entreprenant, qui tout le monde est en train de manger, puis il y a un malaise palpable que je paierais pour être là pour voir ça. Là, moi, je trouve ça beau des moments de même, là, où tout le monde est... Tout le monde le sait, puis tout le monde fait comme si rien n'était. Puis t'as le monon qui fait comme moi, fait que... Pas si grand que ça, toi! Puis ça déclenche, puis après ça, tout le monde ouvre le bal, puis ça m'en parlait, puis ils ont été obligés justement de fermer le compte, reporter vidéo, tout le kit. Ben oui. Ça s'est rendu à Dieu sait où, mais... C'est sûr, mais en s'entendant que ça s'est rendu sur le 18 de Jared. Hey, non, mais. Jared, il était bien allumé avec ça. Ok, non, mais... faut enlever la commandite de Subway, là, Rick. Rick, tu viens de nous coûter une commandite de Subway. Mais non, mais on s'entend-tu que, premièrement, regarde, damage control, c'est-tu quoi? Quelqu'un viendrait me voir aujourd'hui pour me dire comment je fais pour régler ça? Premièrement, comment tu fais pour régler ça? Arrête de te crosser sur ta webcam. Première ouais. Étape 1, arrête de te masturber en public sur Internet. Il y a personne qui veut voir ça. Tu sais, c'est comme... Puis même si quelqu'un veut le voir, masturbe-toi face à face. Arrête de te masturber sur Internet. Ça, c'est l'étape 1. L'étape 2, c'est... Arrête de te masturber sur Internet. Oh! Arrête de te masturber. Ok, devant une webcam avec okay. Non, masturber sur Internet, ouais. Eric, c'est correct. J'étais là, j'étais comme si c'était un fou, man. Si non, mais, loin, hey, t'as peur. Je suis non, quand mais... même marié. Damage control. Ouais, c'est ça. Calvaire, tu peux t'en mais pas. Mais comme Milter dit, tu donnes jamais l'argent. Puis c'est drôle parce que ça me rappelle, j'ai déjà, moi, c'est des gens. Mais attends, ça me rappelle une histoire de toi en 95. Non, mais sur Facebook, en effet, j'ai déjà des gens qui du, sont. Du Axie Porn. Non, mais sur des groupes, je pense que c'est sur le Geek Collectif, c'est déjà arrivé une fois sur le groupe qu'il y a quelqu'un qui était venu de l'avant en disant, ça m'est arrivé, puis. Ouais, mais c'était on a genre des 2012. De dernièrement, c'est comme pas, ça. C'est pas lui que tout le monde replyait avec des memes de ouais, dog. Y en a dans un son... qui, c'est vrai, Eric, il dit ça. Il y a un comme gars tu sais, qui c'est quand même un idée, me semble. Touchy subject, là. Pour ça. Ouais, mais touchy subject, sauf d'un autre côté, regarde. Okay, non, mais c'est parce qu'on s'entend que ça a passé. C'est une nouvelle dernièrement où c'était comme vraiment triste comme histoire. C'est du cyberbullying, etc. Mais on s'entend que. C'est du cyberbullying, c'est triste, c'est ça. Mais monte-toi pas la graine. Ben, je pense que justement, regarde, écoute... Ouais, la règle est quand même assez simple. Non, mais attends, c'est parce que je trouve que... Check ça, puis va chier Milter, t'as un débat là-dedans, puis je t'haïs parce que t'es intelligent. Mais c'est parce que avant là, pour faire ça, il fallait que tu prennes une photo de ta graine, t'as le chez Sears, ta face développée, t'avais le négatif, tu revenais avec ta photo de ta graine, t'as mettre d'une enveloppe, tu liches le thème, t'as colle, tu l'envoyais à ta blonde, puis ta blonde à Rouyn-Noranda l'ouvrait, puis elle se roulait à billes. Après ça, maintenant, c'est rendu que tu te prends photo avec ton sel, puis c'est déjà rendu sur Internet. OK, j'ai pas de classe, je m'excuse. C'est une expression du site, ça, Eric. Non, mais regarde, écoute, c'est juste qu'avant, l'effort faisait réaliser quelqu'un, c'était comme, hey, fuck off, je paierais pas un timbre. Je me paye un Playboy. Tu sais, maintenant... Non, mais tu sais, le monde faisait « fuck off, je paierais pas un timbre à cette heure, c'est... » Ouais, mais attends, là aussi, on s'entend. Il y a quel âge, notre joyeux lion? Il y a mon âge. Ah, c'est un adulte. Je pense qu'il est même un an plus vieux que moi. Est-ce que... Excuse, d'abord, toi, ton histoire. Y est-tu bon aux échecs? Non, mais... Fait qu'il est pas autiste? Non, vraiment pas. Okay. Il y a de la misère. C'est très bonne question. Il y a 35 ans. Mais toi, ta situation du cousin, on a 17 ans. OK. C'est parce que l'affaire, c'est que je pense qu'on voit ça beaucoup le tien, je sais pas quoi y dire. Mais c'est ça, moi aussi. Mais nous autres, comme quand j'entends le kid de 17 ans qui fait quelque chose comme ça, moi, je me dis que des fois, je pense très souvent que l'Internet était tellement à une étape enfantin, ouais, que je sens que j'ai dodgé une des plus grosses fucking... Comment ça s'appelle les bullets dans Mario, là, les bazookas? Bullet bill. J'ai dodgé le plus gros bullet bill dans l'histoire de l'humanité en pas avoir vu les médias sociaux qu'on connaît. Ah, oh, fuck, man, oublie non, ça. Mais ça, honnêtement... Comme ado. Puis j'essaie de me dire, j'aurais pu facilement me faire avoir cet âge-là, je pense. Ah, oh, mais je te donne un exemple. Moi, je dis, en tant qu'ado, on a vécu, si on était moins vraiment branché, le même genre de situation, mais c'était dans les BBS. Moi, dans les BBS, j'ai déjà eu des genre de BBS, séances de flirting là, où que des filles m'envoyaient des photos. J'étais en secondaire 4, puis secondaire 5, puis ça l'arrivait. Puis j'aurais pu, si j'avais eu une caméra numérique, puis ça commençait, là, c'est les premières caméras. Si des adolescentes t'envoyaient des photos, où est-ce que la conversation arrivait? Non, mais on se parlait, puis après 6 mois de se parler, ben là... Puis le ASL, il arrivait quand? Pendant les BBS, il n'y avait pas d'ASL? Non, mais c'est sur MIRC, ASL. Mais tu pouvais te le dire par message, mais c'est une autre histoire. Mais ce que je veux dire, c'est que ça pouvait arriver. Non, c'est juste la histoire qu'on veut que tu continues. Mais comme André disait, c'est que les barrières qui rendent la chose encore plus facile ont tout été abolies. Tu sais, c'est rendu trop facile. Puis tu sais, on entend parler des Brett Favre qui envoie son junk à une journaliste. Je comprends que c'est facile. Je veux juste dire, moi, tout ce que je disais, c'est que je me concentre la chanson en crise. D'avoir évité. Mais le chum à Melter, y a-tu une barbe? Guys. Je sais pas, fait longtemps que j'ai pas. Désolé, je vais faire mon rôle plate. Mais faut couper ça. Faut qu'on coupe ça. Oh, c'est moi, l'actualité. Je poserai même pas ma deuxième question. Écoute, ok, attends un peu. Pose ta deuxième question, puis no joke. On a chacun 10 secondes à répondre. Il est 20h40. Couper, c'est vraiment exclusif. Non, moi je dis qu'il y a pause, mais on a une limitation à répondre vite. On a 140 caractères pour répondre. Non, je dis rien. Fait que Milton, pose ta deuxième question rapide. Ben, l'autre question, c'est, il y a tellement de jeux ces temps-ci, on dirait, puis avec des jeux gratuits, je me fais donner que j'ai de la misère à tout jouer, on dirait, depuis 3 mois, que je me ramasse avec des genre Metal Gear Ground Zeroes qu'il y a 2 mois que j'ai genre popé hier dans mon Xbox pour me primer à acheter le nouveau Tomb Raider gratis le mois passé que j'ai même pas ouvert. Il y a So Many Me il y a 2 ou 3 mois que j'ai pas eu le temps. Une garage Valiant Hearts. C'est de la merde, So Many Me. C'est quelle partie de question rapide? C'est pas compris. Quoi, question faites, ou rapide? Non, mais c'est pour mettre en situation. Mais okay. C'est quoi le backlog, vous autres, là, le jeu? André joue à Elder Scrolls. Mais vous, ce que je veux dire, non, mais vous le faites-tu vraiment, genre? Vous le gardez-tu pour vous rendre compte 6 mois plus tard? Je vais tenter ma réponse de 15 secondes. Comme un Netflix add to playlist. Tu la regardes-tu? Je vais tenter ma réponse de 10-15 secondes vite. D'un jeu vidéo comme homme de 35, 36 ans, 37 ans bientôt, mais toujours 25, je me sens comme un écureuil. Puis chaque jeu, c'est comme une... Je dirais pas l'autre mot, mais c'est comme un noix que je mets dans ma bouche. Puis je remplis mes joues. Puis je vais les cacher après. Non, j'ai dit combien de noix dans ta bouche, Eric? En même que temps. Que tu peux fitter en même temps? On s'en va pas cette direction-là, mais... Non, au contraire. Je les enterre toutes partout, puis je me sens comme des jeux où ce que je m'en... Donc, tu conserves des noix de rechange pour les mettre dans ta bouche. Mais je mets toutes les noix de rechange... Je mets toutes les noix partout, puis c'est comme des jeux vidéo, c'est comme des affaires que je banque. À chaque fois, c'est gratuit, mais je le banque. Puis on dirait que comme t'as l'illusion que tu vas avoir du temps à jouer ben dans c'est le futur. Ça, puis tu joues jamais. Non, en fait, Non, en fait, non. Des fois, j'ai remarqué... Tu joues avec tes noix? Parce que j'ai une victime Steam. J'ai une victime de bien des choses, Humble Bundle, de toutes des conneries comme ça. Puis tous ces jeux-là, ben, je les retouche. Donc, tu retouches... tu retouches tes noix. Sumo, peu importe ce qu'ils disent. Fait que les noix que tu mets en banque... Pour éventuellement les mettre dans ta bouche, t'es retouches une fois de temps en temps. Vous autres, est-ce que vous jouez avec vos noix aussi ou vous les gardez dans votre bouche? Moi, je veux dire, honnêtement, j'ai appris à être sélectif. J'ai été sélectif avec mes jeux et non mes noix. J'apprends à ne pas les downloader tout le temps. Mais comment c'est l'écureuil met les jeux dans la bouche? Ok, t'as eu ton moment de gloire, Eric. J'apprécierais que tu laisses les autres. Mais moi, j'ai pas de backlog. J'ai pas de backlog. C'est plus cool, ça. Un backlog, ça sonne meilleur. Mais non, j'ai pas de backlog parce que je... OK, je vais être 100% transparent. J'ai plus le sentiment d'urgence. Tu sais, le monde qui crie first, c'est pas ça. À part Ottawa, ouais, t'as le droit. Mais même quand il est gratis, court. Tu le pognes-tu au moins ou tu le prends même plus? Ben, quand il est gratis, je le pogne, mais honnêtement, regarde, j'ai commencé à jouer à Rocket League, je pense que c'est la semaine passée. C'est galant, si j'ai pas. C'est super cool, mais... J'ai plus de sentiment d'urgence avec les jeux. Parce que, sais-tu quoi? Je vais y aller avec mes préférences. Deus Ex, mais qui sort, je vais l'acheter le jour 1 parce que j'adore Deus Ex. Mass Effect pourrait sortir une crotte de nez qu'un prix dessus, puis je l'achèterais, puis il n'y aurait pas de trouble, je ne regarderais pas. Mais j'ai plus... Tu sais, c'est comme, gars, Batman... La mettrais-tu dans ta bouche? Mass Effect, je couche avec. J'ai fait du sweet, sweet love. Puis, non, mais... Il sort le livre là, d'American Pie là, pour apprendre j'ai comment manger. J'ai même pas joué à Batman encore, le dernier, Arkham Knight. Là. Ah, moi non plus. Puis, je sais que je vais jouer à un moment donné, mais je suis pas pressé. Tu sais, tout le monde, « Hey, c'est vraiment bon! » Ben, il va être vraiment bon. Ça, c'est pas un backlog. Ça, c'est un jeu que t'achètes pas. Non, ouais. Mais en fait, c'est parce qu'il y a un paquet de... J'ai pas de backlog. Moi, c'est plus tous mes jeux gratis. Quand ouais, moi aussi, quand là, je d'accord. Check mes ouais. pins, puis dans l'odeur, à un moment donné, je suis comme, oh, tu voudrais que je les essaye toutes. Le seul backlog que je peux dire que j'ai, c'est quand Steam font le Summer Sale ou un affaire ouais. Là, j'achète un paquet de jeux. Mais souvent, c'est du quoi? C'est des jeux que j'ai déjà joués, que je pouvais pas justifier l'achat en temps réel. Mais vu qu'ils sont rendus pas chers, là, je les prends parce que je sais qu'un moment donné, je vais rejouer. Mais moi, j'ai pas grand backlog, c'est mon Battle.net. Alex, toi, ton backlog? Toutes les expansions de The Sims, excuse. Non. Toi, Alex, t'es noix? Excuse-moi, mais ton chat ici. Oui? Bit distracting. Ouais, t'es j'ai tombé en amour. Fait que mon backlog, ça va être tous les plans pour notre mariage. Skype est fru contre moi en ce moment parce que j'ai essayé de la c'est ramasser, Skype, mais elle a manqué pas son atterrissage. Son... C'est Skype. Je sais que c'est Skype, mais je me mets en ton chat après une application VoIP. Non, c'est Skype. Je t'adore, Skype. Il n'y a pas de P. Je m'excuse, André, c'était vraiment. Sur ce, mesdames et messieurs, pause ravitaillement pendant 5 minutes. On s'excuse, actualité très longue qui va sûrement être coupée en débordement. Mais par contre, de retour dans 5 minutes. Je fais tellement pas comme dans Wayne's World. Donc, de retour après cette pause, guys, ouais. Ça apparaît peut-être pas ce soir, mais ben en fait, avec les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tabarnak, 9, 9 paquets de bâtons sucrés de l'Halloween Star Wars que je viens de manger apparemment. Non, c'est... j'en ai 3 là-dedans. Ah, t'en as 3 là-dedans? Ah, merci Eric, je me sens moins coupable, j'ai 6. Donc, après ces succulents bâtonnets sucrés de Star Wars, dis de même, ça sonne vraiment pas bon, mais c'était vraiment bon. C'est l'Halloween, guys! Yeah! Wouh! Si, bon, c'était quasiment pas stagé, ça. Fait que c'est l'Halloween! Yeah! Halloween! C'est donc notre épisode spécial d'Halloween. Fait qu'on va avoir quelques sujets à couvrir ce soir. On va essayer de faire ça un peu différent pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois qui n'ont pas exploré le back catalogue, donc les autres épisodes du collectif. C'est sûr qu'il y a certains sujets qu'on a fait en profondeur, tels que faire notre propre film d'horreur pour l'Halloween avec Israël des Geekers. Rest ça, in peace, c'était assez... c'était assez... Non, c'est Marie Soleil Touga, mais on parlera pas d'elle. Okay. On a déjà créé assez de commotion avec ça. Mais somme toute, il y a certains sujets que vous allez dire « Chris Collectif, épisode d'Halloween, t'en parles pas, fuck you, babou. » On en a peut-être déjà parlé dans les années précédentes. Fait allez explorer le back catalogue. Mais ce soir, pour vous, on va débuter avec quelque chose. Guillaume! Oui! Guillaume, recherchiste extraordinaire. Guillaume, instruis-nous sur l'histoire de l'Halloween, s'il te plaît. Je vais faire mon possible. Essaye de faire un... c'est qui le raconteur québécois, là? Fred oh, oui, Pellerin. Essaye de faire un Fred Pellerin de toi, donc... un peu moins frisé. Donc, l'histoire de l'Halloween. Et on a même des sons effets. Calme-toi, R.L. Stein. Donc, en gros, je vais vous expliquer ce que c'est que l'Halloween, parce que c'est pas juste de se passer des petits bonbons. No pun intended. Merci. Le mot Halloween, en fait, ouais, c'est le résultat d'une modification langagière de la fête All Hallows Eve, connue en français sous le nom de la fête de tous les saints, aussi connue comme la fête de Toussaint. En fait, selon les historiens du monde entier, c'est à la base c'est une fête folklorique païenne qui a au-dessus de 2000 ans, qui s'appelait Samhain, ou plus communément Samhain, qui était prononcé Samhain. Le vampire, il sait. Là, ça s'écrit Samhain, ça se prononce Samhain. Et ça veut dire, en gros, la fête de la fin de l'été dans la langue gaélique. Le cousin de Tamwaïd, ça. Exactement. Fait que dans le fond, Halloween, c'est juste le début de l'automne. Exact. En fait, c'était une fête celtique qui voulait célébrer le nouvel an. Eux autres, ils célébraient leur nouvel an à la fin de l'été. Ça pouvait durer jusqu'à 7 jours de temps. Fait que dans le fond, Pérus, quand il disait un vieux bug en forme de tête de barbu folklorique, il parlait de l'Halloween. Sûrement. Je ne connais pas tant l'œuvre. Il était stupide, le monde, dans ce temps-là, quand même. Là. Se dire que l'automne, c'est le début. Ben, c'est toute une question de perspective, Pérus. Ouais. What the fuck? Hein? Je sais pas. Fuck you, tout le monde. Trop bright, là. Il était stupide, le monde, dans le temps de penser que la Terre était plate. Hey, on s'entend que c'est les mêmes gens qui tuaient du monde avec la lune rouge. Tu vas voir des fantômes. Donc, comme on disait tantôt, la sémantique du mot Halloween est un dérivé de la Toussaint en anglais, mais qui est un fait cocasse. La Toussaint, qui est une fête chrétienne, était à la base fêtée le 13 mai. Elle a été fêtée le 13 mai pendant au-dessus de 200 ans. Ok, là, ils comprenaient le début dans ce temps-là. Ça faisait du sens, là. Ouais. Puis là, non, parce que ce qui arrive, c'est que dans ces années-là, donc on parle le 6, 7, 8, 9e siècle, toutes les fêtes païennes étaient christianisées. Donc, le pape Grégoire IV a changé la date de la Toussaint pour le 1er novembre dans l'espoir de qu'on arrête de fêter cette espèce de culte païen-là pour que ce soit justement une fête chrestienne. Il n'y a rien qui est mieux. Souvent. Non, mais il n'y a rien qui est mieux pour une religion de dire, garde, on l'approprie, mais on va changer la date. Moi, je suis juste en train de me demander si il me lit l'histoire d'Halloween ou il me lit le scénario de Dragnet. Les fêtes païennes, puis. Hein. J'ai mis aussi Twilight là-dedans. Tu vois, ça l'embarque non pas. Ils ont fait la même chose avec Pâques. En gros. Yoster. Yoster. Saint-Valentin aussi. Non, pas non? ça. C'est pas là que Jésus, il lui pousse avec des ailes, puis un arc. Ouais. En tout cas, donc. que ça, de Saint-Valentin, t'écoutais le. Tu viens de me vendre le revenant de Jésus, là. C'est bien mieux que de toutes les autres. Ça, c'est comme quand il a fait le film de Dracula, puis c'est Judas qui est arrivé à l'affaire, puis. Mais l'Halloween, comme on le connaît, en fait, selon les croyances et les traditions modernes, est arrivé en Amérique du Nord avec l'arrivée des immigrants irlandais dans les années 1845-1851, alors qu'il y avait une grande famine en Europe. Il y a eu une grosse vague d'immigrants. Leonardo DiCaprio. Dans le temps qu'il mangeait des pétates. Là. Exact, dans le temps de New York City truc. Là. Boston Harbor. Boston Harbor. Gangs Ellis Island. À la base. C'est un peu Austrian. Boston Harbor. À la base, la tradition voulait en sorte que les gens étaient plutôt mesquins. C'était de jouer des tours à son voisinage. Et en Amérique du Nord, le genre de tour qu'ils pouvaient jouer, c'était de renverser les toilettes. On se rappelle, dans ce temps-là, les toilettes, c'était des petites... comme des cabines chimiques, des mais cabines pas chimiques, dans le fond. Ils appelaient ça les backhouse. Ils ont fait ça dans Jackass. Ils rouvraient les portes des fermiers, ils ouvraient les portes des poulaillers. Donc les animaux allaient sans dessus et c'était le chaos total. C'est fait que trois coqs qui se poussent, c'est comme le bordel là. Ouais. Oh mon dieu, ça doit être Halloween. Non, mais ça devient un training de Rocky, là, faut qu'il pogne des poules. Mais dans les années 20, dans les années 30, c'était rendu à des cas assez problématique de vandalisme assez un peu partout. Il n'y avait pas de cacane de peinture. Il y avait comme peut-être plus de poules c'est qui se mettaient à casser des fenêtres. Donc, ce qui est arrivé, c'est que les fameux, les villes, les parents, les administrations civiques ont décidé d'essayer de forcer la tradition à changer. Donc, c'est là que l'espèce de passage déguisé de porte à porte et de faire du trick or treat a commencé. Attends un peu. Il y a juste de quoi que je comprends pas. Puis c'est mon côté un peu social, là, mais... OK, fait qu'ils ont passé de « on libère les poules » à « on casse les fenêtres ». Ça, c'est de 1850 à 1920. C'est qu'il y a eu un 70 ans. De... 70 ans, ça a fait comment? Il n'y a plus de poules dans les granges. On fait quoi? Bon, casse les fenêtres. Mais c'est comme tout empire. Ouais, mais après... Le ça va être quoi en 2030? C'est après, quand ils ont décidé de changer ça, après, c'est le monde cogne carrément à ta porte pis disent trick or treat. Fait qu'en gros, c'est donne-moi de quoi, hein, sinon je pète tes fenêtres encore. Exactement. C'est comme ils viennent chez vous, ils tuent ta femme, pis toi, ils te pitchent genre de la fenêtre, pis... Ça, c'est le mais l'idée. Crew. Hide your hey, wife. On veut pas être spoiler, mais ça se peut que ce soit mon film d'Halloween. Exact. Mais l'idée, de toute façon, qu'on se déguise en tant que jeune enfant, on fait trick or treat, date, en fait, dans la forme qu'on la connaît, aux alentours des années 1920-1930. En conclusion, il y a un autre symbole qui est très relié à l'Halloween, qui est la citrouille. Oh. Le jack-o'-lantern, connu par nos amis les anglophones. À l'origine, c'était quoi? Là? C'était un navet. C'était pas une citrouille. C'est une légende irlandaise qui a été aussi très festoyée en Écosse et en Angleterre. Okay, attends, il carvait un navet? Il mettait un navet. En fait, il carvait pas. C'était juste un navet avec une petite roue. Il mettait une chandelle. Une chandelle de là. Un turnip? Un navet, c'est un yeah, turnip. Ouais, c'est un turnip. Ouais. Et qui mettait ça. Par contre, en Amérique du Nord, avec, j'imagine, la grande disponibilité des citrouilles, la grosseur et la facilité de travailler une citrouille, c'est devenu ça qui était adopté. C'est ce qu'on en parle, la facilité de manipuler une citrouille? Ouais, mais dans ce temps-là, il n'y avait pas d'OGM. Les citrouilles Monsanto. Les citrouilles ne devaient pas peser 35 livres dans le temps. Non, en effet, mais elles étaient quand même plus grosses qu'un navet et permettaient, justement, d'être travaillées plus facilement. Donc, c'est pour ça qu'on est passé du navet, qui est pas mal plate, à une citrouille qui est quand même assez destroyée. Pis qui sert à rien d'autre. Attends, Guillaume a pointé du doigt. Je pense, je pense qu'il voulait mettre une pause dramatique à son texte. Non, j'ai juste eu une péripétie avec des citrouilles qui m'est revenue à l'esprit, puis je me mais suis mais c'est dit, le temps, là. Ben, s'il y a un moment de la raconter, ta péripétie, Guillaume, c'est maintenant. Si t'habites proche d'une traque de chemin de fer, pis d'un champ de récolte de citrouilles, tu te dois, quand t'es un jeune enfant... Excuse. Le collectif n'endosse pas les propos de Guillaume. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages à cause. Ok, tu peux y aller. Lorsque tu es un enfant, oui. Donc plus quand tu as 18 ans et plus, tu te dois de faire une muraille de citrouilles par-dessus la traque de chemin de fer et attendre que le train passe. C'est phénoménal. Fait que tu incites des mineurs à jouer sur une traque de chemin de fer. Ben, j'ai pas besoin de les inciter, ils le font déjà. Okay. Le collectif n'endosse pas les propos de Guillaume Winter. I'm okay with this. Ok, fait que dans le fond, maintenant on sait d'où vient l'Halloween. Fait que c'est des fuckés irlandais qui sont venus pour mettre des chandelles dans des navets. Encore! En brisant nos fenêtres. Pour saccager nos fenêtres. Ou fourrer des poules. Ah, je veux dire libérer des poules, pardon. C'était propre jusqu'à temps que tu ouvres la bouche, Guillaume. Libérer les poules. Libérer. Ouais, mais attends, c'était dans quelles années qu'il libérait des poules? 1845. C'est loin les années 60, mais on va donner le petit. Fuck! OK. Donc, on sait d'où provient l'Halloween. Donc, on aimerait prendre une minute de silence pour remercier nos amis irlandais d'avoir apporté leur tradition avec nous pour pouvoir l'intégrer dans notre société. Esti de pagan. Puis, OK. Éric n'est pas d'accord avec la minute de silence. Donc, je vais revenir tantôt avec ma minute de silence. Éric, tu vas être d'accord. Un 30 secondes de Lord of Mais the Dance. En gros, on connaît l'historique de l'Halloween et on va en arriver à notre premier sujet du soir qui est, guys, l'Halloween souvent va être associé. Oui, il y a des parties, il y a des déguisements, il y a des trucs comme ça, mais on va y aller avec la tradition la plus on va y aller avec la tradition la plus cliché possible du collectif. Guys, un film incontournable pour un party d'Halloween, selon vous, qui veut se lancer? Oh, Eric, vas-y. Non, je vais aller. Tu devrais. Ah, mais on peut-tu mettre une chose au clair? Je pense pas qu'on a mis dans nos notes quel film qu'on choisissait. Non, on sait pas. Fait que... Non, fait que là, c'est des surprises pour tout le monde. OK. Trick or treat. T'as-tu vraiment fait le bruit de cochon? Ouais. C'était involontaire, par contre. C'était... C'est à cause du flacon. Fait que, Alex, non, je déconne. T'avais l'air vraiment enthousiasmé. Je t'invite à y aller. Le seul film à écouter dans le temps de l'Halloween, c'est Trick or Treat. C'est un film américain-canadien. C'est une anthologie. Est-ce qu'on dit ça? C'est plusieurs petites Qu'est-ce films. Qu'est-ce que les fourmis ont à voir avec ça? Quoi? Quoi? C'est une anthologie, fait qu'il y a 4 ou 5 petits films. C'est 4? Speedboat. Non, le premier. Après ça, c'est Sackboy, Il y en a quatre. Oh non, je peux pas dire des spoilers sur le podcast. Fait, mais c'est un film qui a vraiment 2007. L'esprit de l'Halloween dedans. C'est un film de l'Halloween, ça se passe à l'Halloween. Il y a des citrouilles partout. Il y a des monstres. Puis c'est assez peurant comme film. Comme il y a des scènes que tu deviens un bit scary. Mais en général, moi, j'adore ça, les anthologies. J'aime un peu de changement, des fois. Puis, ils sont des histoires qui se connectent un peu. Mais la première fois que tu vas écouter ce film, tu vas dire, « Oh, ça, c'est vraiment le film d'Halloween. Ça, c'est le film d'horreur qu'il faut écouter ça chaque Halloween. » Je fais ça, moi, dès que j'ai vu le film la première fois, je fais ça chaque année. Puis, c'est spécial. Je commande Saint-Hubert. Tu fais ça tout seul chez vous avec ton Saint-Hubert? Ouais, mais cette année, je vais écouter ça avec un ami. Puis je pense qu'on va faire ça une tradition qu'on va faire ensemble. Netflix parce que chill. C'est un autre gars qui. Netflix et chill. awkward. Ouais, à la fin, il va ressembler le trou d'une citrouille. merci, Alex. Vrai. Donc, ton film était. Juste pour récapituler, s'il te plaît, dis le titre du Trick film. Trick R. Treat. Ouais. Excellent. Bon. C'est avec le fille de True Blood. Oh. Anna Paquin est dedans. Ouais. D'accord. Pour ma part, je vais y aller puis je vais vous laisser enchaîner par la suite, mais j'ai fait plusieurs essais où, tu sais, on se dit, hey, tout le monde, venez chez nous, on se déguise, on va manger des cochonneries puis on va écouter des films d'horreur. Fait que là, t'as à peu près trois gars. Quatre filles qui arrivent déguisées, la balance, ils ont les lunettes avec le faux pif. Tu manges des bonbons que ça n'a jamais de l'air d'avoir la présentation que tu voulais. Puis t'écoutes les films, puis tout le monde font comme « On écoute Evil Dead! On écoute tel film! » C'est bon, mais tout le monde l'a vu des millions de fois. Fait que tu peux te permettre, dans un bon party de visionnement de film d'Halloween, d'écouter un film que tout le monde connaît qui est comme « Yeah! C'est le film d'Halloween! » Fait que Evil Dead, c'est bon, mais Tucker and Dale versus Evil. Excuse-moi. Bon, toi, t'aimes pas ça, mais regarde. Non, moi, j'ai adoré le film, mais c'est pas un film d'Halloween. C'est ben oui, c'est un film d'Halloween. Sais-tu pourquoi? Parce pour que. Pour n'importe quand. Ben, c'est un film pour n'importe quand, effectivement, mais ça, on va pouvoir en parler ça tantôt. Ça fait pas Alex. Que je vais faire un challenge. On va pouvoir en parler tantôt de ça. Mais Tucker and Dale vs. Evil, je trouve que c'est un film d'Halloween après que t'aies écouté un des films d'Halloween. Parce que souvent, tu vas faire une soirée que tu vas visionner plusieurs films avec tes amis. T'en écoutes un, puis après ça, ben quand t'es rendu au deuxième, ça te prend quelque chose qui va. Raviver un peu le party, quelque chose qui se prend peut-être un peu moins au sérieux, quelque chose qui est drôle, quelque chose que, ben, à ce moment-là, t'as Alan Tudyk qui joue dedans, Tyler Labine, Katrina Bow, t'as plein de monde qui joue là-dedans, puis, tu sais, en gros, c'est, t'as des kids de genre Not Another Teen Movie qui se ramassent avec des rednecks dans la forêt, sont persuadés que les rednecks vont les tuer, puis les rednecks sont juste comme, hey, cool, il y a du monde autour, on peut être Netflix and chill avec eux autres. Mais en réalité, ben, il arrive des manières loufoques, le monde crève de manière totalement horrible, c'est quand même gory, puis c'est quand même bien fait. Ouais. Moi, j'ai aimé ça, c'est coté 7.6 sur 10 selon IMDb. Toi, pour un film qui se prend pas au... Mais moi, je donnerais un 8.5 facile. C'est le genre de film qui va raviver un peu votre party d'Halloween, qui va faire rire le monde, puis qui va faire réembarquer le monde dans l'ambiance. Après ça... Je sais pas, tu fais jouer. Partie de l'Halloween, oui. Moment spécial pour célébrer Samhain. Peut-être non. Mais partant, quand tu réfères à l'Halloween comme Samhain, c'est vraiment nerd. T'es pas le public cible de Tucker and Dale, je pense. Mais est-ce que vous êtes d'accord que Tucker and Dale, c'est un lettre d'amour? À du monde un love letter aux slasher movies ouais. Sauf que ce que je trouve cool c'est que c'était une take un peu plus actuelle aux slasher movies voulant dire ils ont pris un genre qui était pas vraiment exploité parce que des films d'horreur drôles il y en avait mais c'est que ce film là ne se prend carrément pas au sérieux mais c'est ce que j'ai apprécié de ce film là. Ce film là est au slasher flick. Qu'est-ce que Shaun of the Dead est aux zombie flicks? Genre. Ouais. Puis là, tu viens de me donner le goût d'écouter le Cornetto Trilogy. Oui, absolument. Il va en avoir un autre, je pense. The Greater Good. Qui veut se lancer? Moi, je suis prêt à continuer parce que mon film, il est un petit peu dans la même veine que toi. C'est un film qui est sorti en 2007. c'est un genre de film, c'est pas, comment dire ça, c'est pas un gros film à grosse sortie, là. C'était genre à Sundance en 2007, là, justement, là. Puis ça s'appelle c'était Murder hipster, Party. Man. Ouais, je suis très hipster dans mes films, des fois. Puis Murder Party, ben, c'est un film, justement, qui rit un petit peu des hipsters en étant un film d'horreur drôle avec un genre de message en arrière sarcastique, si on peut dire. En gros, l'histoire, c'est un dude qui se fait inviter, puis il est comme le normcore méga hipster. Je sais pas comment dire ça, là, mais... C'est quoi, il arrive avec un verre de Starbucks, il boit du David's Tea, il a des jeans avec des turnips en bas. Non, mais ben, il a un look MacBook. De gars stock up un peu. Il dans son costume d'Halloween fait maison, il a de l'air stock up dedans. Tu sais, il y a comme rien pour lui, le gars, mais c'est lui ton personnage principal que tu suis. Puis tu te rends compte assez vite que lui s'est fait inviter à un party d'Halloween par un genre de collectif d'artistes qui décident que eux autres, leur party, c'était on invite un peu comme des dîners de cons, si on peut dire, mais on va le tuer puis on va le filmer puis ça va être comme notre or. Mais s'ensuit une situation débordante d'événements perturbateurs, drôles, qui font qu'il y a plein de petits accidents puis qu'il y a du monde qui meurt de façon super violente, mais conne. Genre un exemple, il y a un gars, il fait juste comme s'enfarger dans le fil de caméra, exemple, puis il tombe sur une planche de plywood d'un 2x4, genre avec un clou qui dépasse, puis tout le monde leur fasse de ah, « fuck, il est mort, puis c'est pas lui qu'on voulait tuer, genre, en tout cas, tu sais, c'est... » Fait que c'est un peu comme un Married an Axe Murderer avec... Beaucoup plus actuel, beaucoup plus drôle, beaucoup plus de gore, naturellement, mais c'est très bien pensé, puis il y a un plot twist de finale que je ne dirais pas, même si ça fait 2007, mais tu restes surpris, puis tu fais comme « Oh, wow, mais quel film écœurant! » Puis je le suggère beaucoup. Dans un party relax... Si on parle de party avec du monde qui danse déguisé pis tout, je suggère de mettre de la musique puis d'acheter ou de pogner sur YouTube un slasher cut qu'il appelle. Puis c'est 2 heures de temps de montage de tout le monde qui meurt de tous les films classiques, un après l'autre. Fait que ça, tu projettes ça sur un mur. Puis tu fais jouer monde... la tune du club dans Blade. Dans en de... loop. En loop. Puis tu fais rien que ça, tu vas voir ton party va lever. J'en organisais avant, c'était malade, c'était ça qu'on faisait. Puis, moi, je fais ça chaque jour. Après, quand que le monde commence à relaxer, là, puis que la I embarque, puis tout, là, tu mets, Murder Party, de crin, puis le gant de crin, Murder Party, puis tout le monde est heureux, puis ils vont rire. Merci, Milter. Donc, ton film était? Murder Party. Murder Party. J'ai mis ça sur ma liste. Oui, ouais, moi, ça m'intéresse au bout. Bon. Guillaume, tu sembles prêt? Tu sembles déterminé? Moi, j'aime pas les films d'horreur. Hotel Transylvania 2. En fait, Alex a quasiment raison. Je suis pas un gros consommateur de films d'horreur. J'en écoute des fois avec ma blonde, juste pour essayer de se faire peur, là, ou essayer de voir s'ils font peur, quoi, c'est ça. Mais sinon, j'hésitais beaucoup en deux. C'est deux films qui sont sortis à peu près dans les mêmes époques, et mon choix s'est arrêté sur Beetlejuice. Oh. C'est pas 100% un film d'Halloween, mais moi, dans ma tête, un film qui a cette esthétique-là, je considère ça un film d'Halloween parce qu'il y a aussi le fait que... Dans le fond, tous les films de Tim Burton pour Pee-wee's tous les films d'Halloween. Ben, si on James fait une petite parenthèse, Edward and the Scissorhands... Edward, on met d'argent. Ouais. Tant qu'à m'en faire Don't Starve. Ah, c'est non, considéré comme un film d'Halloween, mais... Pirates des Caraïbes. Mais l'esprit, est, comme tu dis, est très là. L'esprit d'Halloween ouais, est très il présent. Très, il est très là. Il y a l'aspect des esprits, il y a tout ça. Puis il y a aussi le fait que l'année passée... j'ai embarqué dans un autre sujet vite là, mais ce film-là, Beetlejuice, a été très marquant au niveau de nos déguisements d'Halloween, mais j'en dis pas plus. Oh. En plus, quand c'est quelque chose qui s'en quand est. Tu parles de l'Halloween, il faut vraiment parler du Danny Elfman. La musique, c'est Halloween. Nightmare Before Christmas. Danny Elfman, le gars qui a pas d'equalizer, là. Pum, pum, pum, pum. La la la la la la la la la la la. Oui, oui, oui, oui, oui. Ah, c'est Batman, on est dans le Batman, là. Danny Elfman fait des musiques qui sont agressantes comme à tous les joke, niveaux. Mais là. Tu sais exactement quel film. En passant, tu peux faire un drinking game avec Danny Elfman. Alex, frère, ben, je pense que tu l'as mentionné que t'es un gros fan de Elfman ici. De The Drinking Danny Games aussi. Mon frère jouait Fable, puis j'étais comme « Oh, Danny Elfman! » Puis j'ai cherché sur c'est l'internet. C'est lui qui fait la musique! Je pensais que c'était un copycat. Non, mais c'était vraiment lui. Fait que là, à date, on a Beetlejuice, Tucker and Dale vs. Evil, Trick or Treat, puis Murder Party. Eric? C'est pas oui. que la barre est haute, mais... White chicks. Oh, ben là, la barre est haute. White chicks. Moi, je suis allé avec un film qui se passe à Halloween. Puis c'est un de mes films préférés de tous les temps. Donner un exemple de quand j'ai vu ce film-là. En 94, j'avais 14-15 ans. Puis on a sneak in. Je pense qu'on avait acheté un billet pour un film en particulier. Je me rappelle pas quoi. Mais moi puis trois de mes chums, on est allé voir peut-être un des meilleurs films qui se passe à Halloween, The Crow. Si vous connaissez The Crow, c'est absolument incroyable comme film. Très bon. Moi, quand j'étais petit, j'étais allé voir ça. Ben, quand j'étais ado, j'étais allé voir ça parce que de un, j'étais un gros fan de Bruce Lee. De deux, j'étais déjà très triste que Brandon Lee était mort. Ah ouais. Comme vraiment triste, je sais il pas est pourquoi. Mort? Ouais, il est mort, Brandon Lee. Ah, je parlais de Bruce. Ouais, Bruce, il est mort aussi. Mais The Crow, si vous connaissez pas, c'est un film de Alex Proyas que lui a fait d'autres films. Vous avez déjà vu Dark City? Ouais, yeah. C'était weird. Ouais, c'était bizarre, il a touché des affaires comme ça. C'est lui qui a fait... Le film c'est le même film. Le film avec Nicolas Cage, Knowing. Oh. Mais il y a une esthétique, surtout Dark City puis The Crow. Je dirais pas comme... Il est sûrement pas au niveau de Tim Burton. Mais ouais. Mais l'esthétique de ces films, c'était toujours dark, il était toujours sombre. The Crow, quand j'étais allé le voir, j'ai découvert Nine Inch Nails à cause de The Crow. J'avais le Club Columbia, The Cure aussi, mais le lutteur Sting, il y a des chansons, son maquillage en écoutant The Crow. C'est ça, il y a ça aussi. L7. Mais tout se passe à Halloween. En fait, ça se passe la veille d'Halloween un peu, ouais. Comme le 24 de Noël. Devil's Night. C'est Devil's Night, là, ça se passe le 30, où il y a bien du shit qui se passe. Par bien du shit, tu parles boire des balles de gun avec des shooters d'alcool, s'éteindre des cigarettes sur le chest puis crisser le feu à plein de buildings. Ok, et aller chez Jean Coutu pour je nomme le nom des méchants. C'est l'Halloween de 1800. Je veux nommer le nom des méchants parce que celui que tu dis qui prend les cartouches, c'est ça qu'ils font en fond avant là, toute la gang. Là, t'avais Tintin, Fun Boy, T-Bird. Oh my God. Ça c'est les trois. T'as Top Dollar qui était comme le super weird guy là, qui couchait avec sa demi-sœur asiatique, que moi j'étais comme si ça serait ma demi-sœur, je pense que je la fourrais aussi, mais j'avais 14 ans, c'est une autre époque là. Ok, puis maintenant et puis après ça il mange des yeux, je pense. T'as-tu comment qu'il évitait la question avec le weirdo gun? Ouais, ouais. Mais non, mais il y avait de quoi là, où ce que t'as Top Dollar puis sa blonde là, avec une des scènes les plus de la coke, mais pas man, de la... Il y a une scène tellement hallucinante parce que je vais toujours me rappeler de la fille puis elle est morte. Puis il regarde sa demi-sœur puis il dit I think we broke her, ou c'est l'autre, une des deux, je me rappelle, comme deux, ça fait I think we broke her, puis là sa sœur, elle sort l'œil de la fille, puis après ça il met de la poudre puis il brûle ça puis il sniffe la poudre de l'œil puis comme, il faut. C'est qui ces gens là non, mais non. Ouais, mais on le voit juste pas. Mais ils sont tellement evil, pis on sait pas pourquoi que ça. Comme Détroit, je comprends qu'il allait dans des mauvaises directions, mais c'est du next level bad shit, là. Hey, comme... manger des balles de gun, pis c'est quoi, les trois sont autour de la table. Ouais, pis ils voient, là. Fire it up! Mais vous l'avez vu parce que. C'était quoi, c'était dans Lord of Wars, avec Nicolas Cage, ouais. Par exemple, du brun-brun, à un moment donné, il sniffe ça, c'est qu'en Afrique, il faisait ça, c'est qu'il mélangeait de la poudre de gun avec de la poudre de coke. De la poudre de gun, puis il appelle ça du Tintin. Fait que tu sais, je pense que c'est un peu logique qu'est-ce que le gars il fait là-dedans. Ben ouais, ok, ben, ça, c'est ouais, mais le film là, est, ok, est... mais mange-la pas à balle de gun, non? Hey, je sais pas, mais le film Hollywood est super quotable. Oui, il y a des très bons quotes. As-tu un exemple, parce que j'en ai une liste ici là. Ma préférée, il faut vraiment voir le film, mais c'est quand le final boss là, il fait car bang fuck I'm dead. C'est la meilleure quote. Il y a le scène avec une des gars. Attends, mais tu vas m'en voler une avant que tu y vas. Je sais que tu vas me voler la mienne, peut-être, là. Parce que moi, c'est le premier. And the devil stood abashed and saw how awful goodness was. Moi, c'est quand Eric Draven est finalement revenu, ou il vient de revenir pour la première fois, puis il y a sa scène où il trouve ses Doc Martens, puis qu'il est en pluie, puis il capote, là. Ouais. Mais là, sa première victime, je pense, c'est Tintin, qui est le premier qui tue. Mais c'est comme il joue avec des knives, ouais. Parce que le concept de The Crow, si tu connais pas The Crow, tout le monde connaît ça, je suis sûr, mais dans le fond Eric Draven se fait tuer Halloween ou Devil's Night l'année d'avant à cause d'un rent pas payé. Sont très extrêmes à cause des loyers là-bas ou eviction notice, mais il y avait une assez belle place avec un clock tower exit, je sais pas, peut-être il voulait faire des condos, on ne sait pas. Mais finalement, ils se font comme dire qu'il faut qu'ils évitent, puis là, ils veulent pas. Puis les dudes, ils décident de tuer lui puis sa femme. Je pense qu'ils tuent même le chat. Non, le chat, il vit, parce qu'on voit le chat après. Il a 9 vies, man. C'est ça. Le nom du chat, c'est Gabriel. Puis, by the way, la scène où ce que Eric Draven y arrive, puis il découvre que sa femme est en train de se faire violer par ces retards-là parce qu'elle avait pas évicté. Le chat? C'est sa blonde. Ah, OK. Sa fiancée, en fait, sa nouvelle mariée, en fait. Il venait de se marier. Puis c'est là où Brandon Lee est mort. Il y avait un extra... comme je pense que les fusils, l'histoire, c'est que les fusils, il y avait des blanks, mais t'avais besoin d'une vraie cartouche pour que ça coque quelque chose, je sais pas. Puis finalement, ils ont... Resté pogné dans le fusil, ça a de l'air. Il y avait le next round, parce que le props guy qui était là, lui, était parti pour la journée. Mais ils ont fait un autre tournage, puis ils ont utilisé les mêmes props, mais il y avait la cartouche à la fin. Puis c'est là où c'est que quand ils ont tiré dessus, là, il est arrivé avec ses sacs de grosserie. Puis eux autres, ils tirent dessus là. Hey, ça... Puis il meurt live là. Puis il y a un film de ça. Le film, ils disent qu'ils l'ont destroyed après le insurance claim. Mais je voulais pas trop déraper dans ça. Je voulais retourner aux quotes. Tu perds ta job assez vite là-dedans. Sorti sur Wikileaks. Ouais, c'est ça. Je veux même pas voir le film. Moi, je voudrais jamais voir cette scène-là. Là. Je sais que c'est. Pourquoi écouter ça quand tu peux voir Magnota puis écouter du New Order? Mais pour un film. Ouf. Mais non. Mais pour un film d'Halloween, t'as l'aspect d'un gars qui est mort dans le tournage. Fait que t'essaies de figurer où ce qui est mort, c'est très dark pour ça. Dans les quotes. Comme Fast 7. C'est ça, comme Fast 7. Qui est très dark et très dégueu. Avoue que toutes les fois qu'il embarque dans un char, t'es comme celui-là, qui vont le tuer dans le film. Finalement, il le tue pas, il le tue par parenthood, genre. Ah, en tout cas. Mais dans les quotes, mon quote préféré, c'est Tintin quand ils pognent puis ils font leur knife shot. Puis à la fin, t'as juste Brandon Lee qui saute dessus. Parce que esthétiquement, c'est tellement beau ce film-là. Mais il arrive direct dessus puis il regarde Tintin, il dit Victims. Aren't we all? Oh! Ça, c'est un des bons quotes. J'ai des chairs de poule. Mais fait ce film-là, The Crow, All the Way, si t'as jamais vu ça, c'est un must-see. C'est ça. Puis regarde pas Knowing avec Nicolas Cage, par contre. Pour moi, The Crow, c'est un film pour Noël. Parce que Noël, la première fois, j'ai écouté ça avec Nightmare Before Christmas, puis c'est mes films de Noël. C'est quoi, moi, un film de Noël? Sur le même VHS. Ce qui est con, puis je blâme TVA ou TQS. Gremlins. Exactement. Non. Ghostbusters. Ouais. À chaque fucking Noël, genre un dimanche après-midi, ou de quoi de même. Là. Mais, guys. J'écoute Die Hard de Park. Die Hard, c'est Noël aussi. C'est juste Die Hard 2. Top, Alex. Alex, t'as pas. T'es calice. Je mange les gros œufs qui se vendent avec le chocolat noir. Avec Die Hard. With an eraser at the bottom. Le DVD de Die Hard, il est dans le chocolat. Fait que, guys, premièrement, qu'est-ce qui définit un bon Halloween? T'sais, j'essayais de faire une anatomie comme à l'habitude. L'anatomie d'une soirée d'Halloween réussite. Ben, premièrement, il faut des déguisements. Premièrement, il faut que le monde se déguise. La méga tendance de faire genre on fait un party de déguisement puis tu te pointes puis t'es pas déguisé. Chris, ça c'est okay. Câble, on va se le dire. Honnêtement, prête-toi au jeu, déguise-toi. À la limite, achète-toi un déguisement cheap aux gens coutus ou bien donne-toi l'effort au moins, mais je trouve que c'est plate. La joke de j'arrive puis j'ai un masque qui envoie un message social que se déguiser c'est cave, mais en réalité j'ai fait juste assez d'efforts pour pouvoir être socialement acceptable dans le party, puis il y a personne qui te trouve drôle. Déguise-toi puis viens-t'en puis that's it. Ou fais pas comme je fais ça déjà souvent. Moi j'étais arrivé puis j'étais déguisé en comment je travaillais. Dans le temps, je travaille au bureau en gros. Je dis, je me déguise en bureau en gros. Fait qu'en réalité, t'es arrivé après la job. Exactement, puis je me suis pas changé. Moi, j'ai fait la même chose à un party d'Halloween une fois. T'avais un masque de luchador. Mais j'ai trouvé un masque de luchador, puis après ça, j'ai devenu un travailleur. Bon, tu vois, t'es de taggy. T'as fait l'effort, c'était un cool. Un Mexicain illégal qui travaille chez Best Buy. La musique. Shout-out à Nick, c'était un fucking bon Halloween party. Ça, c'est le meilleur Halloween party de la ça vie. Ça fait à peu près 8 fois, 7 fois que j'organise l'Halloween au job. Puis chaque année, je remarque que l'intérêt, ça drop chaque année. Mais c'est plate. C'est un peu plate. Ouais, c'est un costume. Puis il y a tout le monde qui dit qui me dit « Oh, il faut que je trouve un costume. » C'est 20 piastres. De quoi faut-tu trouver un costume? Fais-en un costume. Pour moi, c'est « Oh, je dois trouver un costume. Lequel? » La musique est importante aussi pour une soirée d'Halloween. On s'entend, tu sais, il va y avoir les clichés Monster Bash, les affaires de même, mais tu sais, il y a toujours une petite musique intéressante qu'on peut avoir dans un party d'Halloween qui va faire la différence. Du Misfits. Halloween. Ils ont une chanson. Thriller. Ça prend des bonbons. Oui. Check bien, OK, là, on va régler de quoi, là? Les vrais bonbons, hein. Si tu fais un party d'Halloween, pis t'es pas foutu d'avoir un plat de jujube, des Klendak, qui est dans la chaîne alimentaire des bonbons, un Klendak, c'est un jujube, c'est un 5, tu sais, c'est à peu près, là. Klendak, c'est la pire marde qui existe. Klendak, c'est un... On s'entend, là, c'est la meilleure affaire pour cacher une lame de rasoir. Mais ça te prend des bonbons dans ton party... C'est bon, des Klondike. C'est quoi le hate de Klondike? Dude, des Klondike, là, chocolat et menthe. Catherine, là, chocolat menthe, là, tu peux avoir ça le restant de l'année, là. Chocolat et menthe. On est des adultes, on peut avoir tous les bonbons qu'on veut toute la cette année. Non, parce qu'il y a des bonbons que tu peux pas avoir. Tu peux-tu avoir, Eric, des bâtonnets sucrés de Star Wars à l'année longue? J'en ai eu, là, live, là. Non seulement ce que j'en ai eu live, là, mais j'en ai eu, je vous niaise même pas, le 6 octobre. Ben, c'est justement, mois d'octobre, Halloween. Mais ça prend des bonbons. Excuse-moi. Tu disais chocolat et menthe. That's his take on a Klondike. Isn't it Klondike chocolat et menthe? Non. C'est un After Eight, man. Ouais, c'est un After Eight. Ouais, c'est ça que le raison que je voulais demander, t'as quel âge? Chocolat et menthe, là, c'est le genre d'affaire comme hey, on vient d'avoir un gros souper vin fromage. Y a-tu quelqu'un qui veut un digestif et un petit After Eight? Après, y a personne qui a eu ce party-là. Peut-être, là, mais. C'est dans le temps que t'aurais du post-modern à la maison. What did I do? Donc, ça prend des bonbons. Autre point aussi, ça prend une ambiance. Décorez chez vous. Faites pas juste faire hey, « le monde va être déguisé puis ils vont amener l'ambiance avec eux autres. » Savez-vous quoi? Référez-vous à la règle numéro 1, les déguisements. Il y a tout le temps au moins 50% du monde, c'est des caves qui seront pas déguisés. Fait que si vous basez l'ambiance de votre party sur le déguisement du monde, vous allez avoir 50% de l'ambiance à ce moment-là. L'anatomie d'une bonne soirée d'Halloween... C'est de prendre l'effort. Vous n'êtes pas obligé de déguiser en mongol, mais tu sais, juste minimaliste. Un peu de décoration, un peu de déguisement, des bonbons. Complique-toi pas une soirée le fun, là. Ouais, j'habite dans un condo. Ouais. Fait qu'il faut que je demande si j'ai le droit de mettre au moins un citrouille dehors sur mon balcon. Non, mais attends. Faut que tu demandes si tu peux mettre un citrouille sur ton balcon. J'ai demandé, t'as pas le droit de mettre comme guirlande pour Noël, des lumières. On n'a pas le droit de faire ça. Rien de ostentatoire. Alex, c'est un condo, là. T'aurais pu aller au meeting. Tu vas jamais au meeting, je te gage. C'est demain. Ah, c'est jeudi. Fait que t'as le temps de changer tout ça. Ça, en plus, là, tu te lèves. Vous allez avoir le quorum, tu penses? Ouais, puis j'ai aucune idée. Alex, on le souhaite que je le quorum. Mais juste à devenir président de son condo. Mais non, il mon iPad, je joue du Hearthstone, puis c'est tout. Il peut se lever demain, là, puis dire je veux pas avoir besoin de demander pour mettre au moins. C'est basé sur un pourcentage. Le gars avec le penthouse, il y a. Ouais, mais pis il se lève pas, lui. Ah, ouais, tout, c'est quoi ton okay. pouvoir de vote? Non, mais faut-tu mélanges toute la gang, là. Fais du lobbying, Asti. Promène-toi avant. C'est ça, puis je veux mettre mon crisse de citrouille. Ok, guys, focus. Mets ta citrouille, puis c'est tout, tu l'enlèves après. J'ai une question rapide. On va se donner 5 minutes pour le sujet. Y a-t-il quelqu'un qui a un timer autour de la table qui pourrait mettre 5 minutes? Je fais ça sur un iPad, Rick. Ça fait absolument parce que tout. On va avoir un sujet qu'on va débattre, puis on se limite à 5 minutes pour les biens de l'épisode, bien sûr. Eric, tu me dis quand t'es prêt? J'y vais. Préparez-vous, parce qu'on va déblatérer quelque chose. Tu disais open timer. Fuck. T'as 5 minutes, es-tu prête? Quand je... C'est parti. Je donne mon iPad. Tu viens de nous coûter des précieuses secondes, Alex. J'apprécierais que tu respectes l'ordre de l'émission. Je recommence. 3, 2, 1. Guys, déguisement d'Halloween versus cosplay. Le cosplay, c'est comme à l'année longue, mais là, les déguisements d'Halloween, c'est juste du 1er au 31, quand t'as des parties, puis t'as quitté. Pourquoi c'est mal vu, le cosplay, dans certaines optiques de la société, versus c'est correct si c'est à l'Halloween de se déguiser? C'est juste une question que c'est mal compris, puis c'est une question de vieux carcan de société mal foutu qui ne devrait pas boy, exister. Cowboy, là. Ben, il a utilisé le mot carcan, puis Guillaume, on va te demander de quitter, s'il te plaît. OK. Mais non, en fait, tu peux rester. Mais carcan de société, ok, good. Mais vous en pensez quoi, vous autres? Parce que souvent, tu sais, je regarde un Comic-Con, le monde voit le monde déguisant Spider-Man dans le métro, puis ils font comme « hostie, déguisant Spider-Man ». C'est la même hostie de fucking affaire. L'effort, l'effort. Moi, c'est ce que j'allais dire. Ok, l'effort est plus fort sur un cosplay qu'un déguisement d'Halloween? Moi, je vois une différence. C'est quand la dernière fois que t'as vu un Transformer qui se transforme à l'Halloween? Tu vas clairement pas dans les mêmes parties d'Halloween. Fais juste Halloween, là, check les gagnants de toutes les bars, tous les restos, toutes les places qui vont avoir des affaires avec des tournois, des concours de qui a le meilleur déguisement. Ça va tout du monde qui... En fait, c'est le monde de cosplay qui dit « Bon, je vais aller faire 200$ facile. » Je vais aller rembourser un costume. Mais c'est l'affaire, c'est que je remarque, moi, c'est... quant à moi, ça devrait être égal. Là. C'est l'égalité. Là. Ah, j'ai comme dit l'égal. Égal, au même niveau. Cosplay et le fait que le cosplay, c'est la femme, puis l'homme, c'est Halloween. Non, non, non. Okay. La différence, selon moi, c'est plus au niveau des thèmes. On s'entend, un cosplay, c'est souvent inspiré de quelque chose de geek, là, ou un jeu vidéo animé, tu sais, quelque chose de plus qui fait va être personne en lien. Va faire un cosplay de John McClane. La tendance pendant qu'Alex lance son tu vas jamais avoir un cosplay de quelqu'un qui se déguise en statue Facebook. Non, tu vas avoir un déguisement d'Halloween en statue Facebook. Il y a un niveau d'obligation quand c'est l'Halloween. De trouver ou faire un costume. Cosplay, c'est comme, ah, c'est le mois de juin, tu déguises. Non, mais c'est une émulation. Souvent, moi, ce que je trouve, c'est que le cosplay va être inspiré. Exemple, tu vas dans une convention steampunk, ben, les cosplays, ça va être inspiré du steampunk. Tu vas dans une convention. C'est nasty sex, eux autres. Tu vas dans une convention de Twilight, le monde va être cosplay en Twilight, whatever. Mais quand t'es dans l'Halloween, je veux dire, il n'y a pas de thème, c'est juste all you can eat, là, je veux dire. Ça existe des conventions de Twilight? Parce que. Je pense que je peux dire la. My Little Pony, fait que. Je peux mettre la différence un peu, puis elle va être triste un peu comme une différence. Mais un costume d'Halloween, dépendamment des parties, etc., c'est juste un costume. Tu t'habilles, tu le fais, t'es pas tu gagnes. Comme kid, tu t'habilles, tu veux des bonbons avec ton sac d'oreiller. Mais un cosplay, je pense que c'est dans l'abréviation du mot, c'est que c'est du costume play. Fait que quand t'es dedans, mais tu joues aussi le rôle. Eric, j'apprécierais que tu utilises le terme francophone de costumadier et costumadière. Jamais de la vie. Jamais de la fucking vie, man. Merci. Jamais de la vie. Weekend, ça te changé encore? Tu pourras en gazouiller. Tu peux dire weekend? Non, c'est une fin de semaine. Tu vas pas en gazouiller là-dessus toute la semaine. I can't feel my face when I'm fucking hearing this shit. With you, but I love it. Ouais. Anyways. C'est fin de semaine, Eric. Mais tout ça pour dire que je pense que c'est une différence fondamentale, c'est que tu mets un costume. C'est plus le gars qui est habillé comme Fred Caillou qui est en train de boire sa bière au bureau pendant le party d'Halloween. Tandis que le gars à Fred Caillou dans un Comic-Con en cosplay va aussi être en train de faire le rôle de Fred Caillou, en train de se prendre en photo, etc. Mais souvent aussi, le costume, en tout cas, de mon expérience, le costume va être pas mal mieux fait en cosplay que. Je sais pas, il y a du monde qui a des bons costumes et qui s'en calisse. Si on généralise, parce qu'on s'en a, alors lui, il y a toujours quelqu'un, puis ça, ma blonde, exemple, là, puis vous parlerez à des gens, quand je parlais de Beetlejuice tantôt, c'est qu'une année, elle s'est décidée qu'elle allait faire les faces des deux du couple, là, comme le gars qui s'est c'est de la job face. En crise, ça. Mais elle a fait ça en papier mâché avec des cintres en support, puis elle a acheté des balles de ping-pong pour faire les yeux. On a des photos, je pourrais les mettre sur le blog du Geek Collectif. Mais écoute, on rentre dans un. Tu sais, quand tu rentres dans un party, puis le party arrête, parce que tout le monde est comme what the fuck, qui vient de rentrer, c'est quoi ces costumes-là? Puis elle passe comme 3 semaines à gosser, puis à stresser, puis à angoisser, puis à manquer du sommeil parce qu'elle fait juste comme stresser sur le costume. Il y en a du monde qui sont mais un peu trop intenses de même. Mais ça, c'est un cosplay de comme saisonnier, dans le fond. Elle, exact. Elle pogne une fois par année. Mais c'est ça, mais ça, c'est des exceptions. Tandis qu'en score, en cosplay, en général, c'est l'année longue. C'est tout le temps. Non, mais je veux dire, le statut de qualité est toujours là. Messieurs, nous avons atteint notre limite. Donc, on va inviter les gens qui écoutent l'épisode à nous laisser savoir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'un cosplay, un costume d'Halloween, y a-t-il une raison? Y en a-t-il un qui est meilleur que l'autre? Y a-t-il une raison pourquoi on devrait accepter du cosplay mais regarder les gens croches ou vice-versa? Donc, on va vous inviter à interagir avec nous. Si on dirait que le cosplay, c'est le parti libéral, puis le Halloween costume, c'est le parti conservateur. Quel qui est mieux? Bon. Écoutez, guys, avant de débuter le dernier segment de l'épisode de cette année, j'aimerais... on va observer une minute de silence. On va observer une minute de silence pour les déguisements de policières cochonnes. Oui. Pour les déguisements d'infirmières cochonnes. Shout-out à Julie, ma femme. Pour les infirmières cochonnes qui vont se déguiser en ambulancières cochonnes. Shout-out à moi-même. Pour les filles qui vont se déguiser en militaires cochonnes. Oh, les filles qui vont se déguiser en pompières, cochonne. Il y a en ange. Ou en ange, cochonne. En petite diable. Ou en cochonne, cochonne. En cochonne, cochonne. Ou en... En Miss Piggy, ça. On va observer une minute de silence pour la pudeur à l'Halloween. On peut ajouter les gars habillés en Cupidon. Ouais, ou le gars qui se déguise en Sparta, là, de 300. Là, c'est comme ça qu'il garde. On l'a compris, ça fait 6 ans que tu travailles au gym. Là. T'as des abdos, we get it. We get it. Tu travailles là. Tu travailles là. Okay, le minute de silence. C'est devenu ta job. Mais un moment de silence pour la pudeur à l'Halloween. On vient de parler de cosplay puis de costume d'Halloween. C'était pas une minute, mais je m'en calais. Edit. Mettez pause pendant ce temps-là. Mets pause, on revient dans 30 secondes, puis on va être correct. Non, mais on vient de parler de cosplay puis de déguisement d'Halloween. Il y a un éternel cliché au niveau des déguisements d'Halloween, au niveau des gens qui vont aller chez Party Expert où un gars loue un local qui n'a pas été loué, ça fait 6 mois, puis que si tu payes cash, tu as 15% de rabais sur des déguisements qui viennent dans un sac. Dans le fond, il y a peut-être des manières différentes de se déguiser à l'Halloween. Il y a peut-être des manières plus intéressantes. Guys, c'est le temps qu'on va partager notre connaissance avec les gens. Je veux qu'on donne des suggestions 2015 de déguisement pour les gens qui ont des parties de bureau, qui ont des parties, puis qui vont aller dans un club pour rivaliser contre l'infirmière cochonne qui s'appelle Cindy puis qui est bien excitant de gagner 200$ de Jaeger ce soir-là. Guys, suggestion, costume d'Halloween 2015, on y va maintenant. À part de cochonne, cochonne? Tu m'écoutais pas quand je parlais. Ok, je vais y aller. Suggestion, une chose que j'aimerais suggérer, c'est que je trouve ça poche. Une suggestion numéro un, c'est que pogne pas le style sous ta marde que t'as acheté au Village des Valeurs. Si t'as un concept en tête, puis tu vas au Village des Valeurs, ben ignore toute la section au début, puis va dans le vrai linge. Va trouver le vrai stock. Faut que je plug mon anecdote de la fin de semaine, mais je me cherche dernièrement un suit complet de Uncle Buck que je pense que je vais fucking nail. Puis quand on était au Village des Valeurs, je demandais pour un fedora. Est-ce que vous avez des fedoras? Je demandais à la fille, vous avez-tu des fedoras? Elle dit non, mais là, si vous voulez acheter, c'est pour l'Halloween, les costumes, tout ça, t'as la section des costumes en avant. Si vous connaissez l'aspect un petit peu du Village des Valeurs, mais quand tu vas au Village des Valeurs, t'as bien du vieux linge. Puis si tu veux un vieux top coat, je m'en rappelle plus le terme, là, le pattern dessus, puis un fedora, mais tu veux pas le style fucking chapeau à la marde de 2$. Comme il y a tellement de marde comme ça, va authentique, fais-toi de quoi de bien. Puis suggestion simple, disco guy, man. Va dans un village aux valeurs, va chercher ton disco suit. Moi, j'ai fait ça ma deuxième année à Montréal dans un epic love party d'Halloween, puis j'ai eu une très bonne soirée. Moi, j'étais allé à Village des Valeurs pour faire mon costume de Boy George. Puis t'as trouvé tout de gear, right? Ça m'a pris comme 10 minutes. Puis c'était pas dans la section de fucking Halloween au Village des Valeurs, par contre. C'était un peu partout. Ah. Okay, hommes, ouais. Femmes, enfants. En tout cas. Ouais, mais pas section Halloween. Non, ça existait pas, c'était l'été. Ah, ouais, c'est juste normal. Non, l'Halloween. C'est normal que tu t'habilles en Boy George l'été. Ben, Alex, oui, là, quand même. Ouais. C'est pas la première fois non plus. Fait qu'Alex, dans le fond, toi, tu suggères aux gens de se déguiser en Boy George. N'importe quand qui a. Il n'y a pas une bonne raison pour déguiser comme Boy George. Il n'y a jamais une bonne raison de pas déguiser comme Boy George. Oh, OK. OK. Milter, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'irais pas Boy George. Milter qui est l'as du déguisement, ouais, controversé. J'aurais aimé ça. Je voulais updater mon déguisement de Guy Turcotte que j'avais fait il y a quelques années en essayant de l'amener d'une façon en cours, tu sais, avec des jurys autour et tout. Il fallait que tu pleures, ça a l'air. Je trouvais ça compliqué, pleurer avec 12 personnes qui me suivent toute la journée. C'est comme chiant. Je vais pas ruiner un punch. Mais non, mais c'est compliqué, c'est de la job, tu sais. Fait que là, j'essaie d'aller actualité, mais j'ai juste des costumes féminins. Fait que ça serait un genre de cross-dressing en même temps. Puis, en gros, je voulais me faire comme un comment t'appelles, comme un morph suit là que t'as là, tu sais, mais un spandex suit de squelette, un peu à la classique Karate Kid là, genre là. Mais tu te mets un masque de Julie Schneider, comme ça, ça serait dans les actualités quand même, tu sais. Puis sinon, mon autre affaire, c'était juste m'habiller en petite vieille puis me trouver une chaise roulante puis me promener avec un gros sac avec un signe de pièce dessus puis faire les Thibaut. Fait que là, je suis comme dans mes deux dilemmes, genre. Là. Sinon, j'avais Joël Legendre, mais je trouvais ça chiant. Les matricules, non? Ouais, ah, t'as une barbe. La grosse 728. Là, ouais, ah, mais t'as la barbe, ça marche. Même barbe ouais, que j'ai à plus de barbe que moi, mais d'ici l'Halloween, je devrais être correct. Mais non, j'aimais mieux mon idée de Julie Schneider, plus pratique à me promener dans la rue avec tes enfants. Moi, tu penses-tu que je pourrais nailer Julie Schneider ces temps-ci? Non. Mais ben, avec le spandex de squelette, n'importe qui nail solide. J'ai toujours trouvé les gros gars ronds avec les spandex de squelette, là, c'est un petit peu... Ça serait drôle. En fait, dans la même optique, de mon côté, s'il y a un déguisement que je peux vous suggérer qui serait bon pour prendre des photos, de préférence avec un selfie stick... sinon vous pouvez le réaliser pour vraiment pas cher. Ça vous prend environ 2-3 perches, puis ça vous prend une veste de magicien que vous allez pouvoir trouver chez Dollarama ou peu importe. Tu sais, les petites vestes là, qui se boutonnent par en avant, qui ont pas de manches là. Puis vous achetez une chemise bleue, on se déguise en Chris Pratt dans Jurassic World. Oh. Puis avec des tiges, vous mettez des toutous vraiment random que vous avez pris, puis vous faites juste vous mettre les mains comme si vous bloquiez quelque chose, puis vous demandez au monde de prendre des photos de vous autres en arrière. Vous allez faire un tabac dans les parties. Premièrement, pour votre ingénuité, parce que les toutous, ils pendouillent au bout des perches. Et deuxièmement, parce que le monde va faire comme, c'est quoi ce petit déguisement-là? Puis moindrement que vous allez prendre la pause en faisant le stop pour montrer que les toutous, ils sont bloqués, le monde va faire comme, OK, t'es le gars de Jurassic World! Puis ça va valoir le déplacement. Fac, c'est wow. Ça ton costume pour cette année. Effectivement, ce n'est pas mon costume, Alex. Oh, je ne dévoile pas mon costume d'Halloween ce soir. C'est Caitlyn Jenner. Parce que, oui, c'est Caitlyn Jenner avec un chien qui a de l'air confus, parce que quand il me renifle, il dit que ça sent les couilles. Buckle up, donc, buckle up. mention d'honneur, guys, on a posé la question aux auditeurs. Quelle est ta suggestion de déguisement d'Halloween pour 2015? Premièrement, on a eu Jean-Sébastien Chaplot qui nous a mentionné Daredevil version saison 1 de la série. Hashtag jogging et tuc, ça coûte à rien. On a eu Max Taillon qui nous a mentionné une matante full make-up et cheveux colorés. Hashtag Milter. Oh. On a eu également Michael Larouche. Michael Larouche. De Larouche. Guy Turcotte. Je pense que Milter, il t'a ouais. Name drop aussi en disant hashtag Milter. On a eu également Jean-François Haché qui nous a parlé de Lise Thibault. Je pense que Lise Thibault va avoir la cote cet Halloween. Ouais, mais tous ceux qui ont accès à une chaise roulante, là, ils vont tout faire ça, je suis sûr. Ou ils vont en voler une au Walmart. Là. Effectivement. Guys, l'épisode... Peux-tu en dire une qui est apparue sur mon wall? Parce que moi, j'en ai une coupe sur mon wall. Bon, ben écoutez, si vous voulez en mentionner qui sont apparus sur votre wall, lâchez-vous là. Moi, je peux donner la suggestion comment le faire. Tu te pognes sur un masque de Toxic Avenger ou du... Comment il s'appelle dans Goonies? Sloth. Chocolat. Sloth. Chocolat. C'est puis, choco. Tu mets ça, puis tu dis que t'es déguisé en petit Jérémy. Oh. Oh, ça c'est pas pire ça. Oh, dark. Oh, poursuis-moi le gros, poursuis-moi. Non, t'as pas assez d'argent pour qu'il te poursuive. Moi, Eric! J'ai eu deux... j'ai juste... Les gens comme que j'ai posé sur mon wall, ils ont juste posé des photos... j'en ai un, je vais décrire les photos. Première photo, c'est un dude avec un manteau de cuir, des lunettes à soleil. Schwarzenegger. Puis un shotgun dans la main à gauche. Les lunettes à soleil sont très importantes. Sa main est à droite, Eric, la photo est renversée. Terminator. Oh, good call! À part de jouer les technicalités de gauche-droite d'André. Je t'avais dit Terminator aussi. Et l'autre, je sais pas, ça a l'air d'être un gars qui ride une autruche. Mais c'est comme un suit où ce que tes jambes sont comme les jambes de l'autruche. Mais... Ah, comme The Office. Ah, c'est-tu comme The Office, ça? Spoilers. Ça, c'est Steve Charon. Steve Charon qui a fait de l'autruche. Puis Manuel qui a fait le Terminator. Fait que, ouais. Hey, c'est-tu un déguisement que j'aurais aimé faire? Puis que j'ai jamais pu faire, mais qui serait quand même cool. Pour les gens qui ont écouté Super Trooper de Broken Lizard, j'aimerais ça faire le Bearfucker. Ouais. Ça, ce serait un Chris de bon déguisement, j'aurais chaud par exemple, parce que déjà j'ai tout le temps chaud. Là. Mais le Bearfucker dans Super Troopers, ça pourrait être cool. Ça pourrait être un bon costume. Moi j'adore des effets spéciaux maquillage, special effects make-up. Puis ça fait des années que j'ai commencé à faire des petits trucs, puis rechercher comment le faire. Fait que Nathalie Lalonde. Puis cette année, je veux essayer quelque chose, sauf c'est plate parce que je veux faire un bald cap pour la première fois, mais ça prend une autre personne pour t'aider. Ouais, puis à 8h30 le matin, c'est un big ask pour ben demander sinon, quelqu'un un rasoir peut t'aider. Ouais, un bic. À quel point est-ce que tu es commis à ce déguisement d'Halloween? Ah, fuck, c'est Nosferatu. C'est... Ah, je pensais que tu voulais faire Howie Mandel. Mesdames et messieurs, nous sommes le Geek Collectif. Un épisode de balado-diffusion sur la culture générale qui est diffusé aux deux semaines. Ça nous a fait plaisir de partager notre épisode d'Halloween avec vous. Les gens qui voudraient interagir avec nos collaborateurs... Je demanderai pas à Alex, il est encore en train de rire. Éric, les gens qui voudraient interagir avec toi. Le stand-up de Howie Mandel est écœurant là, quand il parle de ses expériences de poudre, etc. Non, il parle pas de ça, c'est Robin Williams. C'est pas un stand-up, Howie Mandel, c'est un documentaire. Howie Mandel était sa poudre pendant ses stand-up. Pas pareil, c'est ça. Mais Montréalien, c'est ça. Éric Hébert sur YouTube. Je vois Rick sur Battle.net aussi. Là, je poste bien du... Je joue des games de Battle.net shit, puis... C'est ça, je suis vraiment comme, il y a pas bien du monde, j'annonce jamais, mais si tu te tombes dessus, tu vas souvent tomber sur moi très sous en train de jouer à Hearthstone à 1h du matin. Merci Eric. Milton, les gens qui voudraient interagir avec toi? Sur Twitter ou sur Twitch, vous pouvez me follower sur Zombie Milton. Sur Instagram, Xbox Live, Steam, PSN, c'est Milton187. Puis sur Facebook, mais cliquez sur le gars qui a posté le vidéo qui dit que les Québécois sont racistes puis qui troll tout l'Internet québécois puis qu'il n'y a personne qui s'en rend compte. C'est mon profil. T'es raciste, mais... Alex, les gens qui voudraient interagir avec toi. Pour l'instant, SuperJoker86 sur PSN. J'ai pas beaucoup de monde sur PSN. C'est normal, j'aimerais... tu joues pas. Oh my God, you had... No, arrête. Ajoute-moi sur PSN. Première chose, sinon sur Facebook, alex.greco2a, dans Alex, parce que je suis hipster comme ça. Merci Alex. Les gens qui voudraient rejoindre Guillaume, qui a dû nous quitter malheureusement pour une joute de hockey cosm. Ce qui est homme. Tu peux me trouver. Guillaume Amel, hashtag, non, @guimos sur Twitter, sinon about.me/guiamel. Oh, il y a un about page, ouais. En tout cas, écoutez les autres épisodes. Craigslist.reddit/spacedicks. Sinon, ben pour les gens qui voudraient interagir avec moi, André Paquet. Ah, il y a Meetspin.com aussi, le site de Guillaume. Meetspin.com, ouais. Le site de Guillaume, effectivement. Ouais. Donc, les gens qui voudraient interagir avec moi, André Paquet sur Facebook. Sinon, Uzumaki QC sur Twitter, Instagram, PSN, Xbox Live, Wii U, Steam, peu importe. C'est Wii même, U? Wow, en tout cas, je vois un friend code ou quelque chose de même. Ah, là. OK. À un moment donné, j'ai eu ça. Là. Mais j'ai eu une flèche dans le genou. Donc, nous sommes Geek Collectif. Vous pouvez nous rejoindre via le www.geekcollectif.com. Vous pouvez également nous soutenir, nous aider avec vos contributions si vous avez aimé le contenu que vous avez eu ce soir, qui est totalement gratuit via le patreon.com/geekcollectif. Et sinon, ben envoyez-nous vos suggestions, vos commentaires et votre love, votre social money en laissant une cote de 5 étoiles et plus. On accepte du 4.5, mais 5, c'est vraiment cool. Sur iTunes, en laissant comme critique ou commentaire un truc désopinant du genre « J'aimerais faire des choses à la barbe à Milton ». Moi, peux-tu rajouter un petit quelque chose que j'ai oublié de plugger? Certainement que tu peux. Pour le monde qui veut m'entendre, c'est déjà sorti, mais j'ai passé toute la semaine passée à Le Petit Bonheur avec Chuck, qui anime c'est très bon en passant, là. J'ai vraiment aimé puis, ça. C'est, moi, j'étais là d'épisode 166 à 170. J'ai 5 épisodes avec Chuck à son émission, qui est très le fun à écouter. Très un bon podcast à découvrir parce que ça vous accompagne au long de votre semaine à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment le fun. C'est vraiment bien monté, là, j'aime ça, moi. Puis si vous aimez ça, ben écoutez Chuck. Puis si vous me découvrez là, ben bienvenue au Geek Collectif. C'est ça. Meetspin, ça existe-tu encore? Mesdames et messieurs, merci beaucoup et on se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Oh! C'est une question sérieuse. Ça existe-tu encore, Meetspin? Je sais que le...